Avec Shopify, obtenez tous les bons outils pour vendre. Des outils de design pour développer votre marque, des outils de marketing pour susciter l'intérêt de plus de clients et des outils de vente pour élargir votre champ d'action. En ligne, sur médias sociaux, en personne et bien plus encore. De la petite entreprise à la multinationale, les outils de Shopify supportent votre croissance. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur ce que vous faites le mieux. Inscrivez-vous à une période d'essai à 1€ par mois sur shopify.fr/audio. Rendez-vous sur shopify.fr/audio pour faire passer votre marque au niveau supérieur dès aujourd'hui. Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon. Oui, bonjour Adrien. Oui. Bah quoi? Bah alors. Bah il était sur son portable mec, je l'ai bah piégé. Bah oui, tu commences en piégeant, bah oui. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Floodcast. Comme à l'accoutumée, je suis accompagné d'Adrien Méniel. Comment vas-tu Adrien? Bah ça va bien. Et les pieds dans la neige. Bah alors, la tête dans la neige encore. Oh là là. Non, bah on revient de l'Alpe d'Huez, c'était cool. Ouais, sachant qu'on enregistre avant, on sait pas si on a perdu, gagné, on en a aucune je savais pas ce qu'il voulait. Non, j'en sais rien, bah c'est rigolo, parce que là vraiment on n'en sait rien. Mais c'était très cool. Moi j'ai des infos. Ok. Ouais. Ah ouais. Et je vais pas te saper ta journée. Mais bon. Mais franchement, il y a un prix, du film le plus nul, et peut-être que tu l'as. Notre première invitée est humoriste, comédienne et autrice. Elle a décomplexé beaucoup de darons de France avec son précédent spectacle, Spectacle alimentaire en attendant la pension, qui est dispo sur Prime Video d'ailleurs. Tout à fait. Si vous voulez le regarder. Elle joue maintenant à Bientôt quelque part les jeudis, vendredis et samedis à la Nouvelle Ève à Paris. Très belle salle, la Nouvelle Ève. Ouais, et son Wikipédia est assez en bordel puisqu'il est écrit qu'elle est née vers le 13 février. C'est vrai? Il n'y a pas de date précise. C'est genre, j'ai jamais vu ça sur Wikipédia. De vers c'est le 13. Vrai, c'est vrai que je suis née vers le 13 février en plus. Est-ce qu'on peut débunker? Quel est le jour où tu es né? Le 13 février. Ah ouais, okay. Bon bah ok, voilà. Pour enlever le vers le, il n'y a aucun problème. Moi j'avais vu un Wikipédia d'une actrice que je citerai pas, où il y avait plusieurs années de naissance possibles. Bien sûr. Je dirais pas qui c'est, mais ils disent on sait pas, c'est soit ça, et il y a quand même un gros écart entre les années. Je pense que c'est pas elle ou son agent qui change ça. Je pense pas du tout. Pas du tout. C'est Laurie Perret. Bravo. Ouais. C'est pas Laurie Perret qui... Enfin, c'est... Non, non, non. Non, moi je suis née en 1984. Et en parlant de date de naissance, notre deuxième invité est né un 21 février 1989, journée mondiale pour un internet plus sûr. Instagram est confisqué à tous les youtubeurs français. Notre invité donc est humoriste. En effet, selon lui, parce qu'on peut en douter, car on sait qu'il ne fait pas de live chaque jour que Dieu fait pendant le confinement en 2020, ou qu'il n'a même pas été invité dans VTEP pour faire deviner le mot banane à Camille Serre. Bref, en ce début d'année, le monde du spectacle est en grande forme. Gaspard Proust joue son nouveau spectacle, Des racismes ou string, tandis que Pierre Arditi annule encore une date de sa pièce après son 43e malaise en deux mois. Notre invité, lui, joue son spectacle, félicitations et tout, au théâtre du Gymnase. Un théâtre qui porte ce nom car ça sent le prof de PS qui clope et le FIAC qui transpire. Énorme succès. Il décide alors de jouer du 2 au 5 janvier 2025 au Trianon à Paris, mais aussi en tournée dans toute la France en 2024. Une tournée qui passera par Lille, Marseille et Mandelieu-la-Napoule. 6 heures de train, 2 correspondances. Pense à prendre un paquet de Malteser et un VSD pour le trajet. C'est Benjamin Tranier. Ouais, bravo. Merci. Merci. Merci beaucoup. J'ai essayé. Ah non, mais ça va. Oui, ça va et vous? Alors, je profite juste de ce petit temps et que ce soit le début du podcast pour faire des dédicaces. Vas-y. Je voudrais faire un gros big up à tous ceux qui écoutent le Floodcast et particulièrement des copains Nils, Maxime, Laura, Julie Sora et Pierre Barraud. Voilà, je les embrasse très fort. Et tout le lycée Jules Ferry. Et tout le lycée Jules Ferry et le collège Hippolyte Rémy. Voilà, bougez pas. Voilà, merci. Bon, merci. Merci d'être venus, les amis, ça fait plaisir. Avec plaisir, c'est trop cool. Je suis très content. Laurie, c'est ta première fois ici, on est ravis de t'accueillir. C'est ma première fois. On est ravis. C'est trop cool. En forme. Et ça fait plaisir. C'est vrai que tu viens après une nuit de 22h, on nous a dit. Je reviens de mon footing, écoutez. Je suis d'une forme olympique. Pleine d'endorphines. Ouais. Putain, votre clubeuse. Eh bien, oui, c'est le Floodcast. Alors, il y a toujours le jeu du Floodcast. Un Anglais s'est effondré chez lui deux jours. Après être allé chez le coiffeur. Un Anglais ou un Onglet? Un Anglais. Un Onglet de Windows. Un Anglais de Windows. Le navigateur le Windows. Regard. Je suis pas dans la tech. Tu vas aller internet, tu fais Windows. Tu fais Windows là, tout Windows, tu vas sur internet. Il s'est effondré chez lui 2 jours après être allé chez le coiffeur. Et sachez qu'il a eu un mal qui a un nom, ça s'appelle le syndrome du salon de coiffure. À votre avis, c'est quoi le syndrome du salon de Est-ce coiffure? Est-ce qu'il avait fait une story avec Zach l'artiste peu de temps avant? Non. Non. Je sais pas. Zach l'artiste qui a son propre jeu dans VTEP maintenant. Mais c'est vrai, c'est ah vrai. Ouais, attends, attends, ah, attends, on va faire une petite pause. Excuse-moi. Zach l'artiste a son propre jeu dans Vendredi, tout est permis. Mais il fait quoi? Bah, il faut faire deviner des trucs, je crois. C'est un pichonari, mais il rase. Dans la nuque de quelqu'un. Ouais. Mais c'est tellement rentré dans la tête de tout le monde. Moi, j'ai vu que son salon était pas loin de chez moi et j'ai hésité. Ah ouais, et en fait, quand j'ai vu les coupes qu'il faisait, j'ai dit oh non. Bah non. Oh non, vraiment, ça ne m'ira pas. Ça ne m'ira pas. C'est pas ton style. Non, mais il fait t'as des... pas envie d'une petite barbe, mais bien droite là, bien. Mais oui, les contours. Allez. Vraiment, une frontière africaine en je... barbe. Ouais, bah non, je rêve de te voir avec cette dégaine. Donc, ça n'a rien à voir avec Zach l'artiste. Est-ce d'accord. que c'est comme il file toujours des cafés, est-ce qu'il n'y avait pas un cheveu ah. dans un café ah, ça non. Te... Il file des cafés ah, ouais, moi, je... ouais, ah, bah, ah, c'est ouais, le pire endroit d'ailleurs. Ah, c'est atroce. Te... Ouais. Atroce. Ouais. T'es en train de te faire couper les cheveux, il te file un café. Pas on passe au bac. Mais je trouve ça tellement cool, t'as l'impression d'être dans un truc très chic. Mais qu'on oui, propose c'est un café alors qu'en fait t'as des cheveux partout, c'est atroce. Mais ça, vous parlez, vous, au coiffeur? Vous vous laissez faire dans un silence potentiellement de mort? Bah, ça dépend si je suis sortie là. Moi, c'est très dur de trouver un coiffeur. J'en ai trouvé un là il y a pas longtemps. Didier, que j'embrasse. Il écoute. Il a l'âge de son prénom, quoi. Et à chaque fois, il changeait de salon et je l'ai suivi partout dans Paris. Wow. Jusqu'au moment là où il allait dans le sud, vers Vendre. Ouais, encore plus. Ah, il faut prendre le RERB, quoi. Oui, d'accord. Oui, donc, il me dit si tu veux me rejoindre, je suis là pour une coupe et tout. J'ai dit non, là, ça va. Et donc j'ai refait des coiffeurs et là j'en ai trouvé un super, mais gros problème, il a une derrière l'oreille, il a une étoile, tu sais, vraiment de nazi, quoi. Ah ouais. Attends, j'ai failli le dire en blague. Ouais, une petite croix gammée, j'ai pas une croix de fer. Mais il coupe hyper bien les cheveux. Et comme c'est mais dur de trouver son coiffeur, mais est-ce qu'on l'homme de la réponse. Et c'est horrible parce que d'une, j'ose pas trop lui dire c'est nazi ou c'est pas nazi, parce que ça y ressemble vachement et il coupe très bien les cheveux. Donc je suis un peu partagé dans un salon enculé, mais en même temps, qu'est-ce qu'il coupe bien. Mais d'ailleurs, le salon s'appelle le Adolf Hitler. Donc c'est pour ça que ça donne un petit indice. Mais c'est certainement un truc que j'ai. Parce qu'il a pas l'air nasos quand même. Donc, mais est-ce qu'on le sent chez ces gens-là un oui, petit peu. Oui, oui, oui. Quand même pas toujours. Hein. Des fois, on sent rien. Pas bah toujours, ouais. Mais... Du coup, bon. Donc tu cherches je mènerai l'enquête. Tu mènes ton enquête. Bien sûr. Toi, t'as ton coiffeur? J'ai mon coiffeur. Ah, t'as ton coiffeur. Absolument. Depuis longtemps et tout, t'as trouvé. Depuis, ouais, un petit moment. Ah, moi, j'ai pas ce truc du coiffeur attitré. Qui se voit, hein, attention. Oui, j'ai pas, oui. J'ai une très belle masque capillaire. J'ai une très belle masque capillaire. Une très belle masque capillaire. Moi, je coupe tous les 2 fois par an et après, j'arrête. Attends, quoi? Moi, mes cheveux, je les coupe 2 fois par an. Je les fais couper, mais pas plus. Je te jure, chez le coiffeur, ouais, c'est vraiment très peu. Ouais. Ah ben bon, il pousse pas très vite. Hein. Mais je vais, vraiment, ouais, c'est je vais à Montsolé Mines, chez Fabio Salsa, sur le parking du Géant. Qu'on embrasse, ça te parlera. Moi, je coupe très court, mais vraiment comme un enfant. Ça pousse beaucoup, et après, j'en ai marre, je coupe très court, d'accord. Et après, ça repousse. Ouais, tout simplement. Et toi? Oui, bon, bah quoi. Non, mais. Bah quoi, allez-y. Tu te doutes bien que j'ai pas de coiffeur. Mais t'y es allé ou c'est toi qui as fait tout seul? Non, moi je me rase tout seul. Non, mais même avant, quand t'es passé de il y a des cheveux à rien, t'es allé chez quoi? Non, pour. Il y a des gens qui vont chez le coiffeur. J'avais déjà eu le crâne rasé dans ma jeunesse. Ah, quand t'étais skin? Oui, alors, moi je me suis fait quand même effacer la croix gammée que j'avais derrière l'oreille, mais à l'intérieur de la lèvre là. Mais non, je fais tout seul. Bah, okay. J'adore d'ailleurs. Ah ouais? Quelle indépendance. Bah oui, pas faire chier. Mais moi c'était une angoisse d'aller chez le coiffeur. Ah ouais. Parce que moi, j'avais les golfs qui commençaient à être bien prononcés et tout. Et en fait, ils essayent, les coiffeurs, à chaque fois de masquer la calvasse, quoi. Oui, bah oui. Donc, avec des stratagèmes. Bon, j'avais cité une personne très problématique, donc pas le dire, un présentateur télé. Oui, oui. Et du coup, ils laissent plus long au niveau des gueules pour essayer de camoufler et tout. Et moi, j'étais obligé de leur dire non, mais n'essayez pas de camoufler ma calvitie, quoi. C'est bon, composer avec le truc, quoi. Et c'était très compliqué de leur faire comprendre ça. Et du coup, quand j'ai décidé de tout raser, j'étais très, très libéré. Tu t'es senti libre, ouais. Ah ouais, trop bien. Et toi, Laurie, ton choix de coiffeur, c'est son talent, mais c'est aussi la personne ou pas? Genre, tu parles à ton coiffeur, toi? Ouais, je parle à mon coiffeur, c'est mon pote, mais. Ouais. Pas mal. Mais, parce qu'en fait, j'ai 2 coiffeurs. Il y en a un qui fait la couleur et l'autre qui fait la coupe. D'accord. Et celui qui fait la couleur, la dernière fois, j'ai voulu qu'il me coupe les cheveux. J'avais très envie qu'il me coupe les cheveux. Et on avait pris l'apéro, ça peut jouer. Déjà, ça commence mal. Jamais je me fais couper. Il me dit, j'ai pas cheveux. De ciseaux. Je dis, mais on va trouver des ciseaux. Du coup, j'ai trouvé les ciseaux de ma fille à Bourron. Waouh. Ouais, il était 3h du matin. Et du coup, c'est un très bon coloriste. Il faut s'arrêter là. Ouais. Donc, le syndrome du salon de coiffure. Alors, est-ce que c'est pas des produits? C'est pas à cause des produits? Ce n'est pas à cause des produits. Est-ce que c'est un truc psychologique? Non, c'est vraiment un truc physique. Ah, c'est physique. Ouais, c'est un truc qui se fait, mais par contre, comme je vous dis, par exemple, cet anglais, c'est arrivé 2 jours après. C'est-à-dire qu'il était chez le coiffeur, 2 jours après, il est tombé, et c'est lié à ce qui lui est arrivé au salon de coiffure. Donc il se rend compte qu'il y a une coupe de merde. Est-ce que c'est un lien avec le bac, justement, à cheveux? Très bonne question de Benjamin Tranier, c'est tout à fait un rapport avec le bac. Est-ce que c'est pas ça t'appuie sur la nuque et... Ça fait un AVC. C'est un peu ça. Wow. Le nom trouve son lien dans la position spécifique de la tête durant le shampoing en salon de coiffure. Il a fait 12 clins d'œil, c'est pour ça qu'on rigole. Il est au summum. En mâchant comme un gros dégueulasse. La position de la tête peut parfois entraîner une compression à cause d'une trop forte pression sur le cou, voire une dissection d'une artère carotide ou d'une artère vertébrale. Bon, là, t'es vraiment le mec qui t'a. Ouais, c'est le stagiaire qui t'a fait le shampoing. Là, c'est le mec qui t'a mis un coup de poing. Attendez, je vous remets la salle. À Maxima, c'est un accident vasculaire cérébral ischémique. La position de la tête peut aussi endommager une artère et créer un caillot qui peut ensuite se loger dans le cerveau. Ouais, ah, mais je comprends parce que moi qui suis. Une belle journée à vous. Et moi, j'étais un enfant, enfin, je suis un individu angoissé. Moi, quand j'étais petit, j'appuyais comme un fou sur la nuque parce que j'avais peur que ça coule dans le bien sûr. Et du coup, je suis passé à côté d'une catastrophe. Est-ce que quand vous étiez enfant, vous veniez avec des photos de gens ou pas? Moi, je me souviens, des fois, je venais avec Brad Pitt dans Seven et il fait, moi, je veux bien, mais t'as 12 ans. Il te donnait un lutin. Je me demande. Un lutin de. Mais la dernière fois, j'ai fait un truc très gênant parce que le coiffeur, quand il regarde la coiffure que tu lui montres, en toute logique, elle est au-dessus de toi. Ouais. Et je dis, attends, regarde. Et Louane avait fait une frange que j'aimais beaucoup et j'ai fait dans les photos et il y avait plein de nudes. C'est Louane qui fait le grand écart. Allez, t'emmerdes pas avec la frange, voilà. Non, comme d'hab, t'emmerdes pas. Prends n'importe quel ciseau, là, vas-y. Louis Garret, vous savez pas qui c'est? Pas Louis Garret, attention. Non, non. Louis Garret a 19 ans et elle est la meilleure dans son domaine en France. Ah oui, Louise Garret, bien sûr, je suis foilier. Pardon, ouais. J'étais sur Louis Garret. T'es trop dans le cinoche. Je suis dans le cinoche, je peux pas y enlever les pieds. C'est fini l'Alpe d'Huez, mon pote. Louise Garret a 19 ans, pardon, et elle est la meilleure dans son domaine en France. C'est même une star dans le travail qu'est le sien. Je vous demande lequel. Louise Garret. Est-ce que c'est un truc artisanal ou pas artisanal? De service. Tout à fait, un truc de service. Tu vois, c'était pas mal de me. Ouais, de me couper la parole. Je plaisante, fais-le autant que tu veux. Elle a 19 ans. 19 ans et toute jeune. Donc du service, c'est quelque chose qu'elle vient faire à domicile? Pas du tout. Voilà, tu peux juste dire non. Faux. On a pas besoin d'être humiliant. Entièrement faux, mon pote. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire? C'est vraiment, justement, t'as demandé est-ce que c'est viennent chez, c'est plutôt l'inverse, c'est nous qu'allons à elle. Ah, c'est comme coiffeur quoi. Enfin, est-ce qu'elle a un lieu et les gens viennent pour, oui, tout à fait. Ok, pour ce service. Enfin, pas pour ce service, mais c'est un service qu'elle donne dans ce lieu. Ok. Ouais. Est-ce que c'est un rapport avec les mains, manuel, définition, de choses comme ça? Non, c'est pas vraiment pas manuel, non, pas artisanal. Je voudrais revenir sur ce que t'as dit avant parce que c'est bizarre. C'est pas Louis. Les gens, ils viennent pour un truc, mais c'est pas ça le truc pour lequel elle est connue. Ils viennent dans un. Un gros indice. Elle vend de la. Oui, de. Est... Très bonne réponse. C'est un détail d'or. Non, pas du tout. Elle est cordonnière et elle vend de l'héroïne. 5 secondes. C'est dingue. Non, c'est-à-dire que le service qu'elle propose, c'est dans un établissement qui propose de nombreux services. Dont ça. Exactement. Genre un spa, et ça peut être massage, peeling. Oh, bah dis donc, tu te connais en temps du corps. En skincare. Ouais, putain. Donc oui, c'est plus ça. Ok. Donc il faut. Quel trouver genre le lieu. Ouais, qui ça propose plusieurs services. Une fois que vous aurez le lieu, vous saurez. Est-ce que c'est sur justement un truc de soins? Genre. Pas du tout. Ok. Est-ce que c'est un truc. De réparation, genre? Non, pas de réparation. C'est un truc dans lequel vous êtes tous allés, je pense. Le psy. Surtout avec vos métiers, j'allais dire. Donc le psy, ça marchait aussi. Maquillage, coiffure? Non. Un endroit. Un établissement, hein. Non. Un établissement, ouais, ok. Établissement, vous êtes tous allés, vous êtes obligés d'y aller par rapport à vos métiers. Chez l'avocat, la meuf qui se livre. Le tribunal. Si c'est de façon hebdomadaire. La garde à vue. Un endroit plutôt cosy, plutôt cool. Plutôt cosy. Un bar. Plutôt sympa. Pas un petit bar. Un bar. Pas un bar. Pas un petit un bar. Hôtel. Ah. On y est. Et donc elle est femme de ménage. Non, pas femme de ménage. Service. À l'accueil. À l'escorte. Non, à l'accueil. Non, elle est réceptionniste. C'est la meilleure réceptionniste de France. Alors je vais vous raconter son histoire. Elle est femme. Attends, il y a. Mais qui l'a élue? Oui, c'est ça. Qui a voté pour elle? Nous, on a écrit une série sur l'hôtellerie et donc en fait on était dans le vrai. On n'était pas loin. À 19 ans, Louise a obtenu le titre de meilleure réceptionniste de France 2023 lors d'une compétition pour décrocher le trophée David Campbell Jr. 2023. Elle a le trophée. Junior, c'est pas non plus. Pour se démarquer des autres candidats, il a tout d'abord fallu à la Bordelaise envoyer des capsules vidéo pour présenter le quotidien d'une réceptionniste. Une self-tape. Okay. Wow. Avant, et c'est là où ça se corse, une épreuve de jeu de rôle avec des professionnels. C'est-à-dire. Non, mais attends, c'est exactement ce qu'on a fait dans Room. C'est un peu pour ça que j'en parle. Hein. Elle se passe à huis clos. Et on n'a pas connaissance au préalable des mises en situation. Elle, là, par exemple, elle a eu 3 clients en même temps. Une cliente qui s'est fait voler son sac, un client lourd et insistant qui fait des blagues un peu limites, et un autre à qui elle devait vendre l'ensemble des services de l'hôtel. Et elle devait gérer un peu les 3 en même temps. En même temps ? En même temps, dans un truc de jeu de rôle, tu vois. Genre, il y en a celle qui gueule, qui s'est fait voler son sac, l'autre qui fait, dis donc, t'es mignonne, ma chérie, et l'autre qui dit, moi, je veux ça. Oh là là. Et elle a gagné. Waouh. Et ouais, la dernière étape consiste à un échange-débat avec le jury. Et elle a gagné ce trophée. Bah bravo, David Campbell. Hein. Bon là, attends. Ça a dû changer sa vie. Bah j'espère. La vie de l'hôtel, peut-être. Bah elle, en fait, elle disait que du coup, elle a eu plein de propositions à Paris, mais elle veut rester dans sa région natale. Elle veut pas, ouais. Simplement. Elle voit les sirènes. Elle voit les sirènes chanter. Elle sait qu'elle peut tomber très vite. Incroyable. C'est stylé, en vrai. Bah, très stylé parce que il y a un truc comme ça qui s'appelle. Pour les sommeliers, donc c'est le même concept. C'est vrai que t'adores le pinard, toi. Mais c'est hilarant à voir parce que c'est différentes étapes aussi sur un temps à partie et ils vont à une vitesse. Et par exemple, t'as des gens qui disent bah voilà, on est 5, on aimerait manger. Lui aimerait plutôt des amuse-bouches, lui il aimerait un cocktail, lui il aimerait plutôt du vin blanc. Inventez-nous un repas. Et en 2 secondes, elle doit. Donc, ça s'appelle Pascaline. Je n'ai plus son nom, mais bref, c'est une. Pascaline Pinard, appelons-la. Ouais, voilà. Et qui a eu prix Monde et prix France, tu vois. Génial. Donc, ça, c'est assez marrant. Mais ouais. En réception. Et elle a 19 ans, parce qu'elle a un trophée, et du coup, j'ai envie de vous demander, vous faisiez quoi à 19 ans? Vous aviez un trophée, vous, à 19 ans? Laurie, tu faisais quoi, toi, à 19 ans? Ah ouais? Ouais. C'est-à-dire, pas mal. Pascaline Lepelletier. Lepelletier, bien sûr. On est littéralement relié à Internet avec Adrien, et il peut faire toutes les recherches possibles. T'as eu un trophée, Laurie, à 19 ans? J'étais championne de France d'impro. Oh! Wow. Mais oui, c'est vrai que t'as commencé dans l'impro. Très stylé. Ouais, trop bien. T'as commencé, on peut le dire, c'était Attrape. Attrape, dans l'équipe de Trappe. Eh ben, tabouret, Dyson et livre, allez, tu nous fais un cadeau. Et quand je fais ça, tu prends un accent. C'est un peu l'image, malheureusement, cette image. Mais c'est vrai qu'on a cette image, alors qu'il y a un vrai truc autour de l'impro, c'est vraiment les matchs. Ouais, c'est incroyable. Il y a une ambiance qui est super. Bah, en tout cas, à faire, ouais, c'était chambé. Et d'ailleurs, tu ne te retenterais plus? T'en fais un peu sur scène, ceci dit. J'en fais un peu sur scène, ouais. Non, je crois que ça m'est. Je suis passée à autre chose, mais j'ai adoré en faire, ouais. C'était trop bien. Il y a un truc vraiment sportif en plus. Enfin, c'est un peu une équipe. Quand il y a des matchs d'impro, je veux dire, par exemple, c'est vraiment des équipes et. Ouais, ils ont leur tenue et tout. C'est copié sur le cérémonial du match de hockey au Canada. Donc, on a des gros maillots, ça se joue dans une patinoire, la scène. Ouais. Et voilà, très stylé. Ouais, trop stylé. À 19 ans. Et tu travaillais à côté quand t'avais 19 ans? À 19 ans, qu'est-ce que je foutais à 19 ans? J'étais à l'école à 19 ans. Ah ouais, t'étais à la fac? Non, j'étais en école de publicité. D'accord, ok. Voilà. Ah ouais? Ah non, j'étais en BTS, force de vente. Ah ouais? Parce que toi, t'as fait de la pub un peu. Ouais, t'étais où? T'étais à où sub toi? De pub. À sub de et pub. Toi? J'étais à l'ESP. Allez! Vendez-nous un truc! Allez, là, le paquet de Milka. Comment vous nous le vendez? Montrez-nous. Sachant que je déteste le chocolat. Toi, à 19 ans, Benjamin? Non, j'ai rien, aucun prix quoi. Non, mais pas forcément un prix, mais. Non, la seule fois où j'ai gagné quelque chose, c'était genre peut-être l'année d'avant. Tu sais, tu t'étais au sport et t'avais des compétitions inter-école, là. Je sais plus comment ça s'appelait, l'UNSNC ou un truc comme ça. L'UNSS, l'URSS. L'URSS, c'est ça. Et en fait, je faisais de la natation, mais j'étais assez nul en natation. C'est drôle. Et je me suis retrouvé on a fait Créteil, on a fini premier. Sur un relais Mais parce qu'il y a un gars qui a été disqualifié parce qu'il avait déjà 30 ans en terminale. Et du coup, ils lui ont dit non, mais en termes d'âge, c'est compliqué. Il clopait dans la piscine. Donc moi, j'ai récupéré sa place. On a fini par être premier, mais j'étais vraiment avec trois mecs très très forts. Donc on a fait compétition à Vittel. Dans un bassin de 50 mètres. Donc première fois que je nageais dans un bassin de 50 mètres. Est-ce que c'était le bassin du Club Med? Peut-être, c'était à Vittel, ouais. Donc certainement. Mais on a fait que de se marrer incroyable. Et on a fait qu'une compétition. Enfin, nous, on n'avait que ça à préparer. Donc, ouais. on a fini bon dernier grâce à moi, grâce à mon talent. Mais du coup, j'avais eu un prix pour Créteil, qui est pas toujours. Chez toi. Toujours chez moi. Ma seule médaille. Magnifique. Voilà. Mais c'était quoi ta vie à 19 piges à peu près? Moi, je venais d'arriver à Paris. Ouais. Et du coup, j'ai découvert. J'ai arrêté la natation parce que Happy Hour, tout ça. Tu découvres ça. Putain, une pinte à 3 euros! Ouais, c'est terminé, ouais. C'est terminé. Voilà, ouais, non, là j'ai pris 15 kilos. Enfin voilà. Non, mais. Et pas en dépression. Dans le vice, plutôt. Ouais, exactement, j'ai bien nagé dans le vice. Parce que tu parles souvent de la enfin, de Coulommiers, tout ça, tu as grandi là-bas. Exactement. Ou... Ah oui, donc t'as vraiment c'est rare de faire le déplacement banlieue Paris pour aller dans le centre de Paris. Souvent les gens, Adrien, par exemple, toi t'es resté en banlieue. T'as pas déménagé tout de suite à Paris? Comment ça? Quand bah t'as ouais, 19 ans à Paris. Ah bah ouais, mais moi j'ai tout, je fais tout en retard moi. C'est pour ça. Mais non, mais c'est vrai que souvent les gens de banlieue restent en banlieue le temps d'eux et tout. Oui, j'aurais pu aller à Marne-la-Vallée et tout ça. Torcy que tu connais. Évidemment. Là-bas. Non, moi j'ai fait ses études. Mes études, je les ai fait à Marne-la-Vallée, Val d'Europe, Chessy. Et non, ouais, effectivement, comme toutes mes frères et sœurs, ils étaient tous allés à Paris. Ouais. Bon ben, j'ai suivi. T'es monté quoi. À la capitale. J'ai monté à la capitale. Et pour la prendre comme ça par le callback. Exactement. T'as tenté ta chance dans la natation. Et j'ai essayé quand même à Paris de me remettre à la natation, mais vous êtes impossible. 70 par l'Indo, les vitesses confondues. Ouais, et c'est tout. Ça. C'est un cauchemar. Ah ouais, cauchemar. Moi je faisais de la natation aussi. Ouais, éviter les vieilles. Et d'un coup, il y a un gars qui va très vite. Enfin, c'est vraiment le bordel, quoi. Et puis les piscines de. Enfin, tu vois, celles de Châtelet et tout. Racha. Le pédiluve. Wapakacha. D'accord. Allez, yes. Le pH n'est une pas neutre. Miso. Non, merci. Ça va aller. T'es gentil. Moi, j'y vais pas. C'est atroce. Atroce. Ah ouais. Et toi, Adrien, tu faisais quoi à 19 ans? Moi, j'ai eu le trophée du mec qui a le moins d'interaction avec les meufs. Que j'ai défendu pendant 4 ans. Non, pas du tout. Putain, incroyable qui fait ça, c'est atroce. Ouais, j'ai défendu fièrement pendant quelques années après encore. Mais c'est un comité qui met également des prix pour les hôtesses d'accueil. Ouais, c'est ça. Je peux pas te dire. Non, moi, à 19 ans. Alors attends, 19 ans, tu viens d'avoir le bac. Ouais, Moi j'étais en fac d'anglais à Nanterre, j'allais pas en cours. Tu faisais quoi du coup? Rien. Si, je dessinais, voilà, c'est pour ça en fait. Je m'étais, ma passion pour le dessin c'était à raviver à peu près à ce moment-là, et du coup je faisais que ça et je me couchais hyper tard, du coup j'allais pas en cours le lendemain. Et, ah ouais, putain. Et voilà, bah, c'était pas une vie de foufou quoi. Et ça a été quoi vos petits boulots avant de commencer vraiment à entrer dans le spectacle, j'ai envie de dire, dans le showbiz? Toi, t'as fait quoi comme taf, Benjamin? Moi, j'ai bossé, j'avais le BAFA. Ouais. Du coup, j'ai fait le Club Mickey de Trouville. C'était du coup des bonnes conditions de travail quand même. Ah ouais, super. Ouais. Mais j'étais trop sympa et du coup, ils aimaient pas, les directeurs m'aimaient pas parce que j'avais aucune autorité. Ah oui, d'accord. Du coup, voilà. Mais j'étais le seul qui faisait marrer les enfants. Donc, faut. Ouais. Mais chaque fois, je me faisais reprendre. T'as pas d'autorité. Ah ouais, y a besoin d'autorité au Club Mickey, putain. Ouais, c'est ah oui, je pense. Ah ouais. Ouais, les mômes, ils doivent être complètement excités. Bah, il faut les. Les cogner, apparemment. Et Leclerc. J'ai bossé pas mal le Leclerc de Coulommiers. Magasinier ou Non, j'étais aux poubelles, moi. Ah, sympa. Les poubelles. Je mettais des palettes les unes sur les autres. Ah, donc levé très tôt. Et je pense que le gars qui bossait avec moi est devenu peut-être tueur en série, je pense. Ah, Yacha. Ouais. Vraiment, à chaque fois qu'il y avait une fille qui jetait une poubelle de, tu vois, du rayon fromage, je sais pas quoi, vraiment, il m'a dit, elle est belle, hein. Elle est belle. Ouais, mec, attends. C'est presque pire belle que bonne. Ouais, je vais pas l'expliquer. Regarde. Ça doit être chouette de vivre avec elle. Oui, parce que c'est un adjectif que tu utilises aussi pour un objet, en fait. Ouais. Et donc, du coup, je pense que dans sa bouche, c'est un peu ça, je pense. Et voilà. Oh, bah, du coup, mes deux tafs que j'ai fait beaucoup. Entre guillemets, quoi, mais voilà. Et le passage à la scène, ça se fait comment? Même à la radio? T'as fait de la scène avant la radio ou pas du tout? Oui. En fait, je bossais après dans la pub, j'ai fait de la pub. Ouais. Et enfin. T'as bossé un peu? J'étais community manager. Oh! À l'époque où personne savait ce que c'était. Okay. On peut avoir une marque? Pour oui, laquelle, bien sûr. J'ai fait Pizza Hut. Oh! Gourmand. J'ai fait un peu de Crunch, un peu de Lyon céréales. Oh là là, tu nous rigoles. Lyon céréales. Lyon céréales. T'as pas été. Et Crunch. crunch worldwide, quoi. Ouais. Tout, quoi. Non, t'as vécu la fin du crunch chocolat blanc, parce qu'il a disparu c'est vrai, le crunch c'est vrai, chocolat c'est blanc vrai. Et il me manque des fois un peu. Et le seul truc cool, c'est qu'il nous envoyait du crunch gratos. Quoi. Ah, sûrement. Allez, mais mec, donc personne savait vraiment ce que je faisais. Enfin, moi, j'avoue, c'était vraiment. On me demandait pas trop de comptes, quoi. Ouais. Du coup, oui, oui. Maintenant, c'est beaucoup plus technique qu'avant. Il faut donner des résultats, de machin. Alors qu'à l'époque, c'était juste, il y avait 10 likes. Putain, c'est super, hein. C'est génial. 10 likes là, c'est oh là génial. Là. Ouais, ouais, merci. J'ai bien bossé. Mais tu bossais dans une agence? Je suis bossé dans une agence, ouais, exactement. Et qui a fermé, hein, depuis. Ouais. Mais donc, t'écrivais, c'était un peu tes premiers tafs d'écriture. Exactement, en fait. Ouais. Et à côté de ça, je jouais dans une pièce, une troupe amateur, quoi. On jouait au théâtre à Paris. Et quand ça s'est arrêté, la pièce, je me disais, ah merde, c'est con, c'était quand même marrant de monter sur scène. Et donc, à côté de ça, j'ai fait scène ouverte. Trop bien. Ah, génial. Et voilà. Il s'est découlé comme ça, quoi. Et je me suis retrouvé dans la grosse émission sur Comedy Plus avec Laurie Perret. Voilà, ah. Qu'on essaye tous les deux d'effacer de nos CV. Ah ouais. Mais voilà, mais c'est, ça a été des belles rencontres quand même. Ouais, ouais. On a rencontré des gens formidables. On a rencontré des gens incroyables. Bah, c'est vrai. Quotidien, qui sont toujours nos copains. Qui sont toujours nos potes. Ouais. Ouais, bien sûr. Bah, et toi, Laurie, du coup, t'as les matchs d'impro. Moi, j'ai fait plein de boulot. Ouais, c'est ça. J'ai fait agent immobilier 3 mois. Ah oui. Éducatrice. Serveuse, j'ai travaillé au McDo, au Quick, vendeuse, j'ai vendu du shit, j'ai donné des cours d'anglais. Ah putain, et tout ça pour payer à côté de comment jouer sur scène et tout, ou c'était tu te cherchais à ce moment-là? Ouais, non, c'était pour bouffer. Je suis pas la scène, je montais sur scène avec l'impro. Ouais. Et moi, je voulais être chanteuse. Oui. Je faisais du R&B. Non, mais c'est vrai. Allez, c'est, ça va, on va se passer. Lance une instru. Allez, c'est parti. Yeah. Tu fais de l'impro et tu fais du R&B, donc tu devrais pouvoir nous improviser un peu. Bah, sur peut-être une meuf qui s'est fait quitter. Voilà, voilà. Une idée comme ça. Par SMS. Par SMS, exactement. Mais t'as quand même fini dans une comédie musicale, quand même. J'ai quand même fait une comédie musicale. Mais oui, mais c'est vrai. Vrai. Tu es dans Mozart, l'opéra c'est rock. Vrai. Bien sûr. Quand même. Tu devais pas être très discipliné. Je te connais ça. Ouais, ils m'ont pas emmené en tournée à l'étranger. Parce que je foutais trop la merde. J'aimais bien, je partais, j'ai beaucoup rigolé. Je partais à la cabine régie où il y avait des écrans retour. Et je parlais dans les oreilles des gens. Genre, wow. Florent, pendant que je jouais avec Florent Motte, je lui donnais des challenges. J'étais pas chiche de dire ça. Et pendant qu'il jouait, il disait les trucs que je disais. Wow. Je faisais des Jacques Adiadi avec les musiciens et tout. Mais ça doit être une ambiance de groupe. Enfin, t'as fait de l'impro, donc tu connais, mais ça doit être fou quand même. C'était chambé. Ouais. Ah, c'était chambé parce qu'on était beaucoup. On était une cinquantaine d'artistes, on s'est fait virer d'hôtel et tout. Enfin, les rockstars. Ouais, ouais, on a vraiment foutu la merde. Ouais, c'était très marrant. L'opéra rock, hein. Ouais. Oui. C'est pas l'opéra lounge. Vraiment. Là, ce serait autre chose. Mais ça revient, là, les comédies. J'ai vu qu'il y avait Molière et tout. Ça y est, c'est. Je suis parti voir Starmania avant-hier. Ah, bah ça, c'est génial. C'est vachement bien, tu l'as vu. Ouais, je l'ai vu. Ouais. Dingue. J'ai adoré. Ouais. Non, mais parce que ça a été une discussion dans pas mal de flots de la bouleversée. J'ai adoré. Mais moi, j'aimais bien Starmania déjà, base, mais ouais. Je le voir là, et c'était vraiment trop bien. Quoi. Ah ouais, non, vraiment la scène, elle est super. Ouais. Gros taf. Quel magasin de prêt-à-porter? Attends, je rappelle quand même, j'aime bien le rappeler régulièrement. Moi, j'ai été animateur de centre de loisirs, oui, et que j'ai eu Matteo Guendouzi. Mais bien sûr, c'est comme qui, enfant. Matteo c'est un joueur de foot maintenant de l'équipe de France, mais enfin, il était à Marseille. Il a fait perdre Marseille en Ligue Europa, et maintenant il est à la Lazio de Rome. Ouais. Et il joue la. Pas... Adrien te l'a présenté comme équipe de France, une autre façon de le présenter. Non, non, mais il est bon. Bah, attends, jouer à la Lazio quand même. Ah, non, oui, non, oui. Mais c'est vrai qu'il a fait une erreur pour laquelle il s'est fait un peu défoncer. Ouais, bien sûr. Il a fait perdre Marseille. Ouais. Et juste après, il a quitté le club. Bon, moi, j'ai plus le contrôle sur lui. Hein. Moi, il avait 6 ans. Tu seras encore là, ce serait autre chose. Mais je pense que tu vois sa tête, tu vois tout de suite qui est Matteo Guendouzi. Très hargneux. Mais bref. Très hargneux. Et déjà à 6 ans. Déjà, tu le sentais. Tu lui mettais un ballon dans les pattes. J'essayais de le canaliser. Mais bon. C'est ça qui lui a donné le goût du foot. Foot. Ouais. Le goût du foot. Tu l'as contacté quand même? Non, je sais pas. T'as pas réagi à une story? J'ai peut-être un jour réagi à une story, mais pas en disant, tu te rappelles de moi? Coucou, c'est moi ton animateur. Et non, c'est non, fou, ouais, je sais même pas si c'est lui qui gère ses réseaux. Hein, okay. Sais rien, mais... okay. C'est Benjamin qui gère ses réseaux. C'est pour ça qu'il parle autant de crunch, Matteo Guendouzi. Quel magasin de prêt-à-porter s'apprête à fermer 74 boutiques courant 2024 après un plan social économique conduisant à la suppression de 372 postes? marque très connue. Kiabi. Etam. Pas Kiabi, pas Etam. Pimki. Oh, très bonne réponse. C'est vrai. Oh, bien sûr, Pimki. Au total, il s'agit de 90. Ça fait mal, ça fait mal. Ça c'est, c'est une nouvelle pour le 7-7 qui va faire. Il est beaucoup dans. Comment vont s'habiller les femmes? Moi, c'est ma simple question. Reste-t-il encore Jennifer? Non, en fait, en ce moment, il y a une grosse liquidation de ces boutiques des années 90. Faut savoir que c'est la merde, parce qu'il y a Pimki qui a fait. Qui est, donc, c'est parce qu'il y a des redressements judiciaires, des liquidations, des plans sociaux. Et donc, il y a eu Pimki, Gap, Minelli, Kukai ou encore Camailleux. Qui a été racheté par Célio. Donc on est sauvé. Incroyable. Ouais. C'est relou, ça fait sauter des emplois. Mais par contre, c'est vrai que c'est la fin de toute une mode des années 90. Où tu te fringuais, toi, Laurie, par exemple? Je me fringuais à Pimki, Bershka, du Thaï Bass à Volo, Vidam. Sympa. La reine du Thaï Bass, c'est comme ça qu'on t'appelait à l'époque. C'est comme ça qu'on t'appelait. Lolo Thaï Bass. Et t'avais la petite chaîne comme une ceinture, mais un peu non, Shakira. Là, non, peu. J'avais pas, mais à une période, j'avais un diams sur le chicot. Bien sûr. Carré. Et on se le faisait tout avec mes pincos et on était très angoissés qu'ils mettent trop de colle. C'était juste ça le problème. Des fois, ça faisait stylé et des fois, ils mettaient trop de colle et t'avais un gros point jaune. C'est des trucs qui s'achetaient chez Claire's un peu, non? C'était pas ça? Ça s'achetait chez Claire's, mais sinon, fallait aller chez quelqu'un qui te le faisait. Ah ouais, d'accord. Ouais. Je fais une digression, pardon. Vous avez vu Kanye West qui s'est enlevé toutes ses dents pour se mettre des dents en titane? Non, j'ai pas vu. Non, c'est un vrai truc. 800 000 euros. Et il s'est fait enlever toutes ses dents et il a mis des dents en titane. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Il a l'air de pas aller bien. Il va pas bien ou quoi? Qu'est-ce qui lui arrive alors? Voilà, Zinzinland. Zinzinland. Alors lui, ouais. Et c'est vraiment atroce, quoi. C'est vraiment, tu vois, dans le James Bond, le. Oui, requin. Vraiment ça, quoi. C'est putain, atroce. Il a une barre à mine là dans la bouche. Ah ouais, il n'y a pas de. Ça même fait même pas la forme des dents. C'est vraiment une barre. Ça serait trop bizarre pour manger. Il y a un protège-dents. Bah non, c'est atroce. Ah, atroce. S'il meurt étouffé, c'est vraiment marrant du coup. Parce qu'il peut plus mâcher ses aliments, quoi. Ouais. Enfin, c'est vraiment. Ah, mais attends, oui, c'est bizarre parce que c'est même pas un truc régulier. Ah non, nickel, il y a quand même c'est... des canines. Ah non, mais c'est. Ah oui, d'accord. On dirait qu'il a un chewing-gum. C'est ce que j'allais dire. Quand t'es petite, c'est que tu mets le chewing-gum sur les dents là. Ah ouais, bah, c'est ça. Atroce. Oh là là, regarde. Ah non, mais j'ai. Ouais. Oh, ouais. Et voilà Kanye West. En tout cas, tout va bien. Voilà, visiblement, il se porte bien comme un charme. À la cool. C'était quoi ton look, Benjamin, toi, quand t'étais dans les années 90? Moi, j'allais m'habiller chez Val d'Europe. Parce qu'il n'y avait pas grand-chose. Oui, on faisait évidemment. Les petites. On prenait le car et on allait toute l'après-midi à Val d'Europe. Moi, j'achetais mes jeans chez Springfield. Je sais pas si vous Ah oui, bien sûr. L'enfer. Moi, c'était chez Lee, mais je vois ce que tu veux dire. Mais bien sûr. Et non, c'est Lio quoi. Je crois que j'avais vraiment ce look là quoi. C'est Lio. Et moi, quand je suis arrivé à Paris, j'ai découvert H&M. Moi, ça n'existait pas là où j'étais. H&M, c'était incroyable pour moi. Je fais attendez, excusez-moi. H&M, c'est. Il y a Star Wars sur des t-shirts. Mais bien qu'est-ce sûr. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas juste des couleurs. On peut mettre des visuels. Et depuis, j'ai jamais changé. Je suis resté là-dessus toute ma life. Mais oui, les journées à Val d'Europe, on les connaît. Bien sûr, exceptionnel. On les connaît. Assis à la Fnac pour lire des BD, etc. Parce que non, mais moi, j'ai fait un an d'études à Val d'Europe, donc ça se trouve, t'étais à côté en train de lire des mangas. On se croisait, on se connaissait même pas. Ça se trouve, hein. Putain, faut qu'on fasse une chanson de Cabrel sur nous. Et donc là, il y a ces boutiques qui ferment. Est-ce que vous, il y a des enseignes qui vous manquent un peu des années 90, des trucs? Moi, j'avoue que les Quick, ça m'a fait peur que ça disparaisse totalement. Ah, ouais. Ça a l'air de revenir. Ça m'a fait peur. De revenir. Bah, tu vois bien qu'il y en a de temps en temps. Excuse-moi, la dernière fois qu'on s'est vu, est-ce que tu m'as pas dit je suis au Quick? Je suis allé le rejoindre au Quick. Je mangeais seul au Quick. Je peux pas vous dire. Tu mangeais un Quick and Toast? Non, je mangeais un Giant. C'est basique. Parce que je rappelle qu'il était 16h. Ah ouais. Non, mais j'ai des moments. Je suis un peu c'était un poète. D'une tristesse. J'ai fait une vidéo hein, de mon arrivée. Il était tout seul au Quick à 16h. Sur son tel. Il était sur son tel en train de manger un Quick. Ça te gêne que je dise ça ou... Ah non, pas du tout. Non, mais c'est bien. À une image, c'est le showbiz. C'était Et toi, tu vas se coucher à 6h du mat. Maintenant, c'est quoi? Un petit Quick à 16h. La déglingue chez Quick. Incroyable. Non, mais parce qu'à un moment, moi, je pensais que Quick, ça allait être remplacé par les Burger King, les trucs. Et en fait, il y en a de plus en plus des Quick. Ouais, c'est vrai. Oui, mais c'est pas régal. Complètement mort. Moi, je crois que ça avait disparu, moi. Bah non, ça revient lourd, Adrien. Tu n'es pas prêt. Qu'est-ce qui me manque Moi, c'est une bonne question. Ouais. Le Virgin des Champs-Élysées, vous y alliez pas, par exemple? Pas mal. Ouais. Pour écouter des petits CD. Ah, j'ai une anecdote, Virgin des Champs-Élysées. Ah, allez, bam. Je vais avec ma sœur. En fait, on allait à la capitale voir mes sœurs, quoi. Tu vois, le week-end. Donc, j'ai 10 ans d'écart avec ma plus grande sœur. Okay. Et elle nous avait amené au Virgin Megastore. Et on arrive, beaucoup de queue, on comprend pas, on se balade et on est dans les escaliers. Donc on a vu sur la séance de dédicace et c'était la dédicace de la saison 1 en cassette de Un gars et une fille. Oh. Donc Jean Dujardin et Alexandra Lamy. Pas mal. Moi je vois des stars. Bah, oui. J'arrive à Paris, je vois des stars. C'est chouchou et loup. Incroyable. Ouais. 2 mois après, c'est mon anniversaire. Ma sœur m'offre le coffret de la saison 1. Pas mal. Donc je suis trop content et je retourne la cassette et je vois une dédicace de Dujardin et d'Alexandra Lamy. Pas mal. Là, je commence à moitié à chialer de oh, tain, c'est trop beau. Et ma sœur panique. Non, c'est moi qui ai écrit. C'est moi qui ai écrit. Wow, j'étais dégoûté. C'était une blague. Pourquoi en fait Mais en fait essayez, ça va lui rappeler le moment oui, où il était allé. Vanne, c'était une petite blague et elle a trop bien fait la. Mais je te jure, quand tu lis, tu te dis c'est vraiment un homme et une femme qui ont écrit. C'est incroyable. Elle a changé l'écriture sur et les deux. Vraiment, je pense qu'elle a vu mon regard de à moitié en train de pleurer. De c'est fou ce qu'elle a fait pour moi. Ouais, parce ouais. qu'il y avait 8 heures de queue. Enfin, c'était incroyable. Et non. Et du coup, comme elle a vu que j'étais à moitié en train de chialer, oh là là là, non. J'étais. Bon, bref. Du coup, j'ai toujours cette cassette. Magnifique. Qui prône parce que voilà, pour le truc. Toi, t'avais comme ça des stars aussi, Laurie. Des gens que tu te dis ah putain, si je les croise et tout. Ouais, mais c'était Céline Dion, Michael Jackson, quoi. Ah oui, excuse-nous. Ils étaient pas en dédicace à la Virgin. Ils étaient pas du tout en dédicace. Excuse-moi d'aimer la France. La vraie. Voilà, la vraie. Ah bah, l'unique. Celle de ton coiffeur. Voilà. Et belle histoire, t'as fini par tourner avec Dujardin en plus. Ouais. Je lui ai absolument, ah oui, vrai. Absolument pas parlé déjà. Dans beaucoup. Quoi, dans quoi en OSS, je dis 2 phrases. Ah, mais, trop, putain, voilà. Je savais même pas que t'étais dedans. Non, trop mais bien. Tout va bien. Mais, voilà. Tu lui as pas parlé? Enfin, très vite fait, mais pas de ça déjà. Tu vois. J'ai une fausse dédicace de toi. Incroyable. Et j'avais moi un mur de dédicace quand même. Non, mais je faisais. Ah ouais, tu courais à la dédicace? Je courais pas à la dédicace, mais j'ai eu. Au Téléthon de Coulommiers, il y avait la marraine qui était venue et c'était à Street Veillon. Donc j'avais par exemple. De Extrême Limite. Des filles d'à côté, je crois, c'était ça. Attends, Street Veillon, c'était Brune aux yeux bleus, c'est ça? Oui, Street Veillon, j'ai acheté une dédicace, j'ai eu Anne Romanoff. Non mais ça n'avait aucun sens. Aucun sens. Moi j'ai et je crois que j'avais eu putain, je sais plus qui j'avais eu d'autres, mais j'avais eu que des dédicaces comme ça un peu de gens quand ils étaient passés à Coulommiers, quoi, tu vois. Ah ouais. Alors elle est pas dans les filles d'à côté, effectivement, elle est dans Extrême Limite, elle joue quand même Paloma. Ouais. Bah oui. Elle était dans Le Miel et les Abeilles et Premier Miel et les Abeilles. Miel et les Abeilles. Pardon, moi j'avais une dédicace de Véronique Geneste. Je rentre du collège, je crois, et sur mon chemin, mais la rue au-dessus de chez moi, c'était trop bizarre, il tournait Julie Lescaut. Et donc j'avais demandé une dédicace que j'avais mis dans un cadre. Bah évidemment. Plus tard, elle a dit bon. Tu l'as revendu. Non, je voulais vraiment jeter à la poubelle. J'ai dit quoi? Tu soutiens le Front National? Et là t'avais personne autour de toi en plus. Là c'est un monde qui s'écroule pour c'est toi. C'est ça, bah ouais, c'était mon idole. Bah totalement. Bien sûr. Non, mais quoi, c'est une policière qui serait d'extrême droite. Mais on est où là? On est où? Et toi, ouais, Laurie, personne en France vraiment? Personne qui t'a. Arrête. Mais t'as le droit. Laurie peut-être, la chanteuse. Peut-être la chanteuse. Vu qu'elle a ton nom. C'est pareil, elle a écrit pareil. Non, j'ai pas. Et puis j'ai pas. Je crois que j'ai pas eu de dédicace, ouais. Ah non, mais même tu vois Jamel, un pro et tout, est-ce qu'il n'y avait pas une histoire Jamel, je l'ai même pas trop croisé. Et pas fan. Si, fan, ouais. Ouais, mais tu n'as pas eu de dédicace. Non, Peut-être c'est pas un truc que tu cherches, t'as peut-être pas ce rapport là. Même la photo, t'as pas ce rapport à la photo de quand tu vois quelqu'un dont t'aimes le travail et tout? Non, je crois pas. Bah enfin, non, si, pourtant, c'est... ouais, je sais pas. Si je verrais quelqu'un d'impressionnant, ouais, peut-être que je ferais une photo. Mais ça t'est jamais arrivé? Ouais. Ok. T'es alors mieux que toi, Florent. Hein? Toi, alors tu prends les photos. Belle merde, moi. Non, pas belle merde, mais toi, tu prends les photos, toi. Moi, je prends les photos, ouais. Mais en fait, moi, c'est parce qu'il y a un truc. Enfin, c'est comment dirais-je? Le hasard est fou, tu vois. Enfin, j'ai un truc un peu de ce hasard n'a tellement aucun sens de croiser quelqu'un, etc. Ouais, c'est. Que oui, j'ai besoin. T'avais croisé, c'était Adam Sandler. Adam Sandler. Ouais, t'as croisé Adam Sandler à Paris. À Paris. Ouais, donc t'es obligé de prendre une photo. Mais j'étais avec mon bébé en porte bébé et tout. Tu dis, bon, y a un petit selfie à faire là quand même. Incroyable. Ça serait trop con. Mmh. Et le gars était adorable en plus. Le gars était super gentil. Ah lui, tu vois, et, je suis fan. Et quand t'as fait une photo, il y a 1000 personnes qui ont fait des photos. Pas du tout. En fait, ce qui était trop marrant, c'est qu'il tournait en France avec Jennifer Aniston. Donc c'était que du fan de Jennifer Aniston. Ouais. Et donc lui, tout le monde s'en foutait. Enfin, en vrai. Ouais. Je crois pas qu'Adam Sandler ce soit une gigastar en France. Ah ouais. Et en plus, il avait pas sa gueule de. Enfin, si vous avez vu le film, il ressemble pas. Il avait une grosse barbe, des lunettes. Moi, je le reconnais parce que je l'adore. Ouais. Mais je pense que quelqu'un de lambda qui. Je crois que j'ai regardé Terminagolf au moins 25 fois. Vous avez vu ce film? Déjà, t'as le titre VF, c'est très stylé. Ouais. Ouais, Terminagolf, bien sûr. En anglais, c'est Happy Gilmore. Happy Gilmore. Ouais, ouais. Ouais. Bah, c'est un chef-d'œuvre. Moi, j'adore ce film. Mais tu vois. Très peu connu en France en vérité. Ouais, je l'ai regardé un milliard de fois. Bah, c'est un super film. Moi j'ai pris deux photos et je regrette les deux, donc je pense que j'en prendrai plus. Non mais bon, il y en a une, c'est Francis Lalanne. Il y a un pattern, hein, tu feras attention. J'ai tourné avec lui et bon, non, c'était un peu pour la blague, mais bon, il a vraiment. Il est passé de un peu fantasque, un peu foufou à vraiment, vraiment horrible. Donc, depuis, voilà. Oui, mais oui, le pattern par rapport à Véronique Jeunesse. Ouais, ouais. L'Institut CSA a révélé les défauts que les gens supportent le moins sur les autres au travail, sur leurs collègues. À votre avis, qu'est-ce qui revient le plus? Alors, puer. C'est top. Hygiène. C'est numéro 1. Ouais. Ouais. L'odeur, ouais. Le manque d'hygiène. Putain, pas mal, okay. 30%. Mâcher un chewing-gum la bouche ouverte. Alors c'est pas aussi précis. Ok, d'accord. C'est genre, non, hygiène, là je suis plus dans mes. Les gens qui payent pas les droits d'auteur. Non mais c'est vraiment des défauts en tout cas. Des défauts qu'on supporterait pas au travail. Les gens qui parlent trop. Alors c'est trop fort, bruyant. C'est ça, les gens bruyants, trop bavards. Okay. C'est un truc le retard. Le retard ne vient pas. Non. Okay. Qui bosse pas, juste. Ouais, c'est ça, les fainéants, effectivement. Ça revient dans le top. Ça, c'est ma France. Gens qui prennent des grosses pauses. Il y en a combien qu'on doit trouver? Il n'y en a plus qu'un. Oh. Il n'y en a plus qu'un. Mais c'était très bon, efficace. Ah ouais, c'était top, les suce-boules. Putain, mais c'est incroyable. Très bonne réponse, les faillots. C'est non, pas c'est vrai. Je jure, les faillots arrivent avant les gens bavards et bruyants. Dès qu'il faut parler de ce qu'on déteste chez les gens, je suis imbattable. Il est très très bon, hein, pour répondre tout ça. Ouais, ouais, les gens faillots, ça, les gens qui. Les suce-boules, comme on les appelle. Ouais. Ouais, tout simplement. Vous, ça vous retrouvez là-dedans? Ce serait quoi vraiment le truc qui vous saoule chez les gens avec qui vous bossez? L'hygiène. Ah ouais, vraiment? Ouais, ouais, ouais, ouais, c'est pas possible. En tournée, parfois, tu. Surtout en rodage, t'as le régisseur de la salle. Ouais. Watcha. Les techos, ils sont toujours horrible. Plein la gueule. Mais je suis désolé, mais qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce que vous possible. Faites pas, peut-être? Mais c'est fou, mais c'est fou. Mais une odeur. Mais je te jure que c'est vrai. Tu sais que je suis en train de réfléchir parce qu'on a fait la même tournée de rodage. Ah bah, je peux te donner 3-4 villes en off, mais... Après, on se rappelle aussi des gens qui se démarquent parce que non mais je dis on fait pas de généralité sur les techniciens évidemment. Oui, on se dit pas évidemment, normal, évidemment. Bien sûr, bon. Mais quand même, putain, dégueulasse c'est quoi. C'est ça que je voulais dire. Ceux qui m'accompagnent sur la tournée, toi aussi, j'imagine, sont très. Après, les comédiens sont dégueulasses d'autres manières. Bien sûr. Il y a des comédiens qui se lavent pas et c'est atroce. Mais non, ouais, ça c'est vraiment c'est dur. Ouais, c'est dur parce que tu vois quand on te remet le micro, tu sais ton micro casque avec les doigts, oh là là, t'as les doigts près de la bouche et tu sens l'odeur. Des fois, t'attrapes des micro-mains qui sentent très fort. Les micro-mains, il y a tellement de poustillons que ça. Ah ouais. Ah, c'est un vrai truc, ça, le micro a une odeur. A une odeur. Ah non. Tu sais, un peu de colza, un peu de. Quand t'éternues, vraiment atroce, quoi. Oh merde. Ouais, ouais. Mais cela dit, moi j'étais dans l'autre team. Moi j'étais un gars qui pue, honnêtement. T'étais un gars qui. Franchement, jeune adulte, ado bien sûr, mais jeune adulte, j'ai mis du temps à avoir des réflexes de. J'ai été le mec qui dit pas besoin de se laver tous les jours, j'ai mis du déo ce matin. Tu vois ce que je veux dire? Ah bon? Ouais, un truc comme ça. Ouais, ouais, un truc de pas avoir les codes de l'hygiène, quoi, vraiment. Un mec qui se mettrait dans un couloir d'un train pour mettre du déo, par exemple. Bah maintenant, tout le temps, parce que j'ai trop peur. Maintenant, je suis l'extrême inverse, j'ai trop peur de puer, quoi. Et en plus, ma meuf, elle fait pas de cadeau là-dessus. C'est vraiment, je rentre des fois, je fais une douche. Elle est pas elle est pas tendre. Okay. Oui, mais c'est moi je trouve que c'est bien. Ah bah c'est bien, c'est super. Bah c'est super. Bah elle devrait te le dire avant que tu partes. Que tu pues. Non, mais quand je reviens, quand une grosse journée. Je suis en vélo. Grosse journée, hein. Grosse journée pour toi. Tu rentres en vélo, Flo. Vous voyez pourquoi? En vélo. Une enquête publiée par Le Parisien nous parle d'une aptitude que 7 Français sur 10 disent avoir. C'est drôle. Putain, très bonne réponse, Adrien. Et quoi, t'as dit quoi? Être drôle. Être drôle. C'est ça, c'est sûr. Et t'es même petit, je trouve, 7 Français sur 10. Ils disent, je suis drôle. Ah donc, ouais, c'est déjà dit... beaucoup, hein, parce qu'en vrai, c'est beaucoup, beaucoup moins, hein, en vrai, dans la réalité, hein, malheureusement. Et à votre avis, dans quelle région de France on croit être le plus drôle? À Paris. Avis, à Paris, tout simplement. Bah, évidemment. Oh là, France, bah, évidemment. Ah, il suffit de voir tous les plateaux de stand-up qui ouvrent en ce moment. C'est horrible. Je sais pas, ça te fait ça, toi, ben, tous les gens que tu croises qui disent « Attends, j'en ai une bonne, tu la mettras dans le spectacle. » Ah, oui. Ah bah, oui. La mets pas dans le spectacle et tout, là. Ouais, la mets pas. Oh putain, attends, elle va encore faire un sketch sur moi. Non. Personne, t'inquiète. Bah, c'était pareil, nous, à l'époque de Golden Moustache, quand on faisait des sketchs, là. T'as tout le monde qui dit bah, attends, moi, j'avais passé mon permis au même moment, et le moniteur d'auto-école, il avait dit oh, bah, vous pourriez en faire des sketchs, hein, sur nous, hein. Ouais, ça doit être un pur délire, je pense. Jean-Yann l'a fait il y a 50 ans, et c'est bon, on est tranquille, hein. Tout va bien. C'est après des grosses barres, je pense. Mais c'est pas étonnant, ce truc, mais c'est marrant parce que j'y pensais il y a pas longtemps. C'est l'humour, c'est un peu le seul art que tout le monde croit 7 sur 10 du coup, qu'ils peuvent faire, tu vois. Il y a pas, tu vois un tableau et tu dis ouais, bah je peux le faire, quoi. Tu dis bah non, c'est, moi je suis pas du tout dessiné ou machin, mais l'humour, tout le monde se dit ouais, bah moi aussi je fais des blagues, quoi. Peut-être tout le monde se met au même niveau. Et bah, c'est vraiment c'est pas le seul parce truc. Que c'est plus facile aussi. Bah, c'est drôle. Pas plus facile non, du c'est tout de dessiner. C'est moins mesurable. Tu reviens du festival de la comédie, tu dis que être drôle, c'est. Je me mets dans les chaussures de l'auditeur. C'est moins mesurable. Vous entendez justement, dire l'humour, c'est l'illusion. Difficile. C'est l'illusion de c'est dire. C'est pour ça que je te dis ça. Et justement, c'est là que je trouve marrant. C'est qu'il y a cette illusion qu'il n'y a pas dans n'importe quel autre art, tu vois. Bien sûr. Quelqu'un qui fait une sculpture, tu vas pas dire ouais, bah je vais le faire, moi aussi je peux le faire, tu vois. Alors tout le monde, avec l'humour, les gens se. Je pense se situent pas très loin. Des humoristes, tu vois, en termes d'humour, on dit bah moi aussi je suis marrant, moi aussi je fais des blagues. Ce qui est drôle, c'est que c'est très vexant. C'est à dire que si je te dis tu dessines pas bien, enfin si tu me dis tu dessines pas bien, Florent, je fais oui, bien sûr. Non, si c'est pas drôle. Bah, t'es pas très marrant. Ouais. Donc c'est horrible, quoi, t'as insulté. Et sa parce famille. Que c'est un truc que tu fais dans la vie, quoi, l'humour. Et du coup, il y a cette espèce d'illusion de tout le monde peut le faire, quoi. Alors qu'en fait, c'est un truc. C'est comme un sport où tu vois, je vois Zidane, je me dis pas bah ouais, moi aussi je joue au foot, je pourrais faire un five avec lui, tu vois. Quoi, votre plus vieux souvenir, vous, de trucs marrants que vous ayez vu? Un truc enfant, vous avez dit putain, ça c'est quand même grave marrant. Un sketch, un film, un truc dans la vie peut-être même. Pour vous laisser le temps de réfléchir, moi je me souviens, c'était un sketch des frères Taloche. Je me souviens. Pas mal. Quand ils chantaient Il était une fois, je me souviens d'avoir 6 ans. Ah oui, j'ai un savais d'elle, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et vraiment, il y a des voix, il y a des grimaces. Je réalise un truc un peu comme ça avec mon frère, il y avait diffusé sur je sais plus quelle chaîne, peut-être France 2, les coups de boost de l'humour. Ah oui. Qu'un vieux truc. Il y avait les coups d'humour aussi sur TF1. Oh, c'était ça. Peut-être les coups d'humour. Il y avait Maxime et Bruno Salomon régulièrement. Trévise ou je sais pas quoi. Et c'était diffusé assez tard, je crois. Bien sûr. Et je me souviens à la fin, c'était si vous voulez. Putain, avec mon frère, on devait avoir 8 ans, quoi. Et on regardait ça. Et à la fin, c'était envoyez-nous vos cassettes. Et on avait fait une cassette. Trop bien. Est-ce que la prod des coups d'humour peut retrouver cette cassette? C'est la plus belle instantanément. Mais ils ont 8 ans. Mais c'est fou. C'est illégal. Avec mon frère, on a notre. Ils donnent une adresse et machin. On va bien le faire. C'est adorable. C'est trop mignon. Qui vous a filmé? Vous filmiez. On avait mis une caméra sur pied, quoi. De mon daron. Et on a demandé à notre daron de cet extrait-là le mettre sur cassette. C'est génial, c'est trop mignon. Mais déjà, c'est fou, vous faisiez un sketch à vous. Parce que souvent, les gens de stage-là, ils refaisaient des sketchs. Un sketch, c'est un bien grand mot. caca prout ou quoi? Caca prout dans ta culotte. Moi, j'ai. Pour le moment, c'est top. Moi, je me retourne à The Voice. Je fais attends, caca prout, pardon. J'ai la chair de poule. La chair de. Il aurait pu dire caca, il a dit caca prout. Il s'est pas limité. Toi, Laurie? Moi, je crois que mes premiers souvenirs de grosse gaulerie, c'était avec mon frère aussi devant Police Academy. Ah, bien sûr. Oui. Ah, ouais. J'étais fan. Ah ouais, de ouf. Je me rappelle juste d'une seule vanne où la meuf, elle se m'a hurlé dans le bus, mais je saurais même plus te dire ce qu'elle fait. Je sais que cette scène, on se l'est maté trop de fois. Police Academy, j'étais fan de fou quand incroyable. J'étais petit. Incroyable. Ah ouais. D'ailleurs, ils devaient faire un reboot qu'ils n'ont jamais fait finalement. Bah, c'est sûr que c'est le genre et de j'ai truc. J'ai jamais osé re-regarder parce que je me dis que ça a dû trop mal vieillir. Ouais, je pense. C'est super intéressant. Ce que tu dis, parce que moi j'ai revu des comédies qui sont maintenant même considérées comme plutôt problématiques sur certains points. Ah ouais, non mais tu vois Ace Ventura, maintenant quand les gens revoient ils disent la fin elle est méga transphobe et tout, c'est vénère. Et même toute la nouvelle génération, j'ai vu Grim Cujo, un youtubeur, enfin un mec de Twitch pardon, qui en parlait en disant putain c'est pas marrant, c'est vraiment de l'humour de vieux et tout, et moi j'ai rematé, je fais oh, ça marche très bien sur moi encore sur ce et du coup ça y est je commence à faire le chemin tout doucement vers la ringardise. Mais parce que justement j'avais peur de ça, je l'avais rematé. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu en disant putain ça a dû vieillir de ouf. J'ai pas revu Happy Gilmore, tu l'as revu Happy Gilmore? Ouais j'ai revu et ça va ça encore, toujours. Mais après, c'est peut-être la nostalgie. Oui, il oui, y a ça aussi. Il y a des trucs quand t'as kiffé. Ouais. Mais c'est ça. Mais ouais. Quand le camion il roule sur sa main. Enfin, bon. Non, mais les trucs, il y a les trucs absurdes. Moi, les. Y a-t-il un pilote dans l'avion ? Ben oui. Ah ouais. Et en fait, là, ce qui est fort, c'est que y a, moi, ça me faisait hurler de rire quand j'étais petit. Et quand je l'ai revu adulte, c'est d'autres trucs qui me faisaient rire en fait, parce que il y a en fait il y a des trucs très grotesques. Il y avait un autre niveau de lecture que t'avais pas capté. Et donc ça j'avais trop kiffé déjà de le voir, de me dire ça me fait toujours marrer, mais pour d'autres raisons, parce qu'il y a des ouais il y a des vannes absurdes un peu subtiles que je comprenais pas du tout quand j'étais gosse. Moi ce qui me faisait marrer c'était le truc complètement Ouais, ouais, bien sûr. Ben, tu vois, burlesque. Bien, quoi, sûr, limite, bien quoi. Sûr, bien sûr. Bah, moi, Ventura, il parlait avec son cul. Pardon, ouais, c'était quand même exceptionnel. Tu peux pas faire mieux quand même. Il y avait Hot Shot aussi. Ah, évidemment. Hot Shot et Top Secret aussi, que j'avais adoré. Top Secret, il est un peu plus, malin, je trouve. Oui, oui. Parce que Hot Shot 2, il prend une poule, ça, une flèche. Oui, enfin, quand oui, t'es oui. enfant, il y a des trucs assez efficaces, basiques. Ah, mais Top Secret, c'est dans le même. C'est avec Val Kilmer, jeune. Et il est génial. Ouais, c'est la même trempe quoi. C'est vraiment c'est grosse parodie absurde. Okay. Même humour que ouais, y a-t-il. Mais t'as deux trois idées, c'est même du surréalisme quoi. Enfin, genre, y a un moment, il est dans le train et tu sens vraiment que c'est le décor qui bouge derrière. Enfin, tu vois, il y a un truc où il joue, tu vois les gens courir. Non, mais c'est que des. Mais il y a une vanne toutes les 10 secondes quoi. Ouais, c'est ça. Okay. Ça, c'est très généreux en vanne. Il y a une vanne, bon, évidemment, c'est très visuel donc c'est un peu comme ça, mais il est en train. Parce que c'est un truc de guerre, de je sais plus quoi. Et Val Kilmer, il est en train de ramper comme ça. Et il tombe, cette fameuse scène où il tombe nez à nez avec les bottes d'un gars, ses jambes, putain, je me suis fait griller. Et il relève la tête, et en fait, il y a juste deux bottes pesées. Bien sûr, et c'est trop drôle. Et en même temps, il y a une autre vanne qui me fait beaucoup rire, c'est il y a un scientifique dedans, et il présente son projet, il dit j'ai inventé une machine à retirer le sel de l'eau de mer. Vous vous rendez compte ce que ça représente pour les pays du tiers monde? Et il dit, ils auraient du sel jusqu'à la fin de leur choix. Très drôle. Mais toi, Laurie, quand tu te fais de l'impro, est-ce que t'as ce truc de est-ce que c'était un hobby ou est-ce que t'avais vraiment une volonté de faire de la scène? Est-ce que c'était un truc que tu voyais? Est-ce que c'est quelque chose? Non, moi là-bas c'est Issa Doumbia. On habitait pas loin, on habitait à côté. D'accord, okay. C'était mon pote et il m'a dit ça te dirait de faire de l'impro parce que je suis dans une équipe et il y a pas de meuf. Et du coup quand j'y suis allée j'ai compris pourquoi il y avait pas de meuf. Les mecs c'était vraiment des gros sauvages et c'est devenu mes meilleurs amis. D'accord, okay. Pour les mêmes critères. Voilà, et en fait, je suis tombée amoureuse de ces garçons qui sont devenus mes potes. Je suis tombée amoureuse de cette discipline. Et c'était des barres de rire du matin au soir. On traînait ensemble toute la journée. Et le soir, on allait à l'impro. Et c'était pas le petit hobby du mardi soir, quoi. Parce que très vite, c'était très professionnel. Moi, quand je les ai intégrés, ils étaient déjà champions de France. Ouais. On a regagné le championnat. Et donc, on avait des spectacles tous les week-ends. On a fait une tournée. Enfin, on jouait beaucoup. Oui, parce que c'est beaucoup, une vraie institution où tu étais, en plus. Parce que y a, pour les gens qui connaissent pas, c'était Papy qui gérait ce truc-là, qui est quelqu'un qui est connu pour avoir lancé plein de gens, dont Jamel Debbouze. Ouais. Oui, t'es rentré par un gros truc en fait. Et ouais, et puis j'y suis arrivée surtout au moment où c'était en pleine expansion. Jamel venait d'exploser, donc tout le monde voulait faire de l'impro à Trappes. Bah oui, puis Trappes c'était la ville de tout. Enfin, Omar Sy vient de Trappes. Ouais. Enfin, c'est vraiment. Et du coup, tu en mets dans ton spectacle parce que c'est ta discipline première et que tu kiffes. Ou c'est juste parce que voilà tu te dis c'est plus sympa de mettre j'en un peu mets, d'impro ouais, parce que les gens aiment bien en vrai non dans parce le public, que je crois que j'ai bien. Pas l'impression de faire cette discipline là l'impro qu'on fait dans le spectacle c'est pas l'impro qu'on que fait tu fais à bien l'impro sûr. Oui, tu okay, vois. Okay. Oui c'est plus du crowd working enfin tu parles aux gens ouais, ou c'est, ouais c'est ça exactement. D'accord okay. Je leur demande à la fin s'ils ont des questions avant la fin du show. Ah c'est rigolo c'est avant qu'on s'arrache est-ce que vous avez des questions? Ah ouais. Et ça marche souvent très bien quoi. Déjà les gens sont un peu C'est drôle. Scotché que ça arrive à ce moment. Comme ça, tu vois. Je dis voilà c'est la dernière phrase de mon spectacle. Est-ce que vous avez des questions? Ah ouais. Et du coup voilà, on discute. Et ça va ils arrivent à se lâcher et tout. Ça dépend des soirs. Mais des soirs il y a des bonnes pétites. Bah, ça m'a fait j'ai vu passer sur Insta une meuf qui dit je peux chanter avec toi. Ouais. Bien sûr que non. Bah non. la prise d'otage. Ouais, atroce. En plus, ce qui est chouette à la nouvelle ève, c'est que tu peux boire un verre et une petite table et tout, c'est très mignon. C'est beau. Hein. Et le fait que les gens boivent un verre, il y a un truc qui est. D'être ensemble, quoi. Ouais, d'être dans ça, un. Du coup, ça ouvre moment. Aussi à la discussion et c'est assez propice à ça. Ouais. C'est drôle parce que c'est presque un peu l'opposé de toi, Benjamin, parce que toi, tu ferais jamais du crowdworking. Non. T'es vraiment, c'est limite ouais. des pièces de théâtre. Ce que ouais, tu ouais, fais. Non, moi j'avoue, je le fais jamais. À part à la fin, une fois que j'ai fait les saluts, ouais. je parle pas aux gens. Enfin, du coup, ouais. je fais un truc beaucoup plus. Tu traites pas le premier rang de fils de pute. Et non. Et non, désolé. Cela dit, dans le dernier relais, tu donnais un plat dégueulasse au premier rang. Ouais. C'est parce que je me disais, ouais, c'est. En fait, je me trouvais que ça mettait tellement mal à l'aise tout le monde, mais ouais. je le. À aucun moment il parlait, le gars. Ouais, ouais, en fait, ça. Je ouais, le laissais ouais. pas parler ouais. parce que je me disais, ah, le pauvre, déjà, c'est un moment atroce. Ouais. Et voilà. Et du coup, c'était au moins faire un peu ce truc-là de. Oui, on va faire intervenir le premier rang et malaise et. En fait, pas du tout. Le gars a rien à dire, quoi. Mais ça, mais ça ouais. a vraiment changé, j'ai l'impression. Parce que moi, ça me glace le sang, l'idée d'être. Ouais. Que l'humoriste me parle ouais. directement. Et maintenant, j'ai même vu des spectacles où les gens le font pas. Et est-ce que c'est parce que c'est les comédie clubs qui sont de plus en plus nombreux, mais des spectateurs qui ont envie de répondre, qui ont ah envie oui. de parler ah ouais. À des gens qui ne demandent même pas à ce moment-là. Enfin, tu vois, qui font même pas du crowdworking ou bien des sûr, trucs comme bien ça. Quoi. Sûr. Ouais, ouais, ça c'est ça t'est jamais arrivé, ça va. Non, heureusement, ouais. heureusement, mais ça doit être horrible. Ah, c'est pénible. Ben, hier soir. Des gens que je connais, j'ai des voisins qui sont venus et ils m'envoient un texto. Ils me disent je suis avec mes potes, bon, il y en a un, je te le dis, il s'appelle comme ça, tu pourras le chambrer. Mais pas du tout. Non, c'est un truc très américain, ça, c'est la culture du roast et de tout machin. Ouais. C'est vraiment en train d'arriver. Quoique Jamel, il vannait beaucoup aussi, hein, je me souviens, sur scène. Enfin, oui, moi, j'étais oui. allé le voir sur scène. Oui, mais lui, c'était un peu une nécessité, c'est ce qu'il disait, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui gueulaient et tout à ses spectacles. Et ah, il disait je suis obligé de les calmer parce que. Alors bien maintenant, sûr. Ce serait l'inverse, je pense, ouais. ça les chaufferait quoi. Oui, maintenant il y a des gens qui les excitent volontairement. Dans quoi peut-on trouver un smoking pour chien, des fragments de météorites, un chihuahua de 8 semaines et un énorme sextoy bleu ah. cette année déjà... J'allais dire dans mon appart, juste au sextoy bleu. Sextoy bleu, ça s'est arrêté. Il est transparent valise, le mien, donc ça n'a rien à voir, il est transparent. Que... Et c'est dans la valise de quelqu'un? Non, c'est dans quelque chose. Dans un appartement? Alors, attends, pas dans un appartement. Un cercueil? Pas un cercueil. Une voiture? Un chien de 8 semaines. Une voiture? Attends, alors, on peut avoir une voiture, mais un c'est scooter, un truc plus bah, précis. Un film de Gaston Bide peut-être. Non, pas un film de Gaston Bide. Donc quoi, plutôt trouver un smoking pour chien, des fragments de météorites. Ça me va, mais c'est, c'est comme ça qu'il les écrit. C'est d'ailleurs. Une voiture dans un chapeau. C'est une voiture dans un film. Alors c'est pas dans un film. Non, c'est un peu, ça va être un peu difficile de trouver, mais je vous le dis, c'est au courant de l'année 2023. C'est pas en un coup. Ah, c'est sûr, dans l'arrière-plan. D'un streamer ou d'un youtubeur, non? Non, non, c'était dans okay. une voiture, hein, ah, Benjamin l'a jamais. Pardon, mais pour moi. Je vous demande une réponse un petit peu plus précise. La Papomobile, malheureusement. une voiture. Non, c'est une liste qui a été donnée là, en cette fin d'année 2023. GP Explorer? Pas de GP Explorer. Une liste. Attends. Ouais. C'est une voiture ou un modèle de voiture? C'est dans des voitures. Ah, c'est dans des voitures. Ouais. Oh là là. C'est dans des voitures ah, de keuf. 4L Trophée ou je sais pas quoi. Non, non, non, non, non. Quoi, mais... Les refs de Benjamin. Et si, ouais, le 4L Trophée. Bien sûr, évidemment, on connaît. C'est pas le truc qu'ont fait Jérôme et Baptiste si, Lambert. Si, si, ouais, c'est le truc dans le désert, là. Ouais. C'est ça. Moi, je me suis dit, bon, je sais pas, j'en sais rien. Attends, c'est dans des voitures, mais en compétition, genre? Non, pas une compétition. Non, c'est une liste qui a été donnée en fin d'année par une entreprise. Ah, des voitures de location? Non. Ah, qui ont été, ouais, oubliées dans des voitures de location. On est pas loin du tout. C'est des voitures volées? Pas dans des voitures volées. Ah, des Uber? Très bonne réponse. Wow. C'est ce qui a été retrouvé dans des Uber pendant l'année 2023. Un chien de 8 semaines. Un chien de 8 semaines? Ouais, des fragments de météorites. Donc un énorme sextoy bleu, un smoking pour chien. Alors il y a d'autres choses, hein, je vous ai pas donné toute ça, la liste. Pas mal. J'aime autant dire que j'en ai un pour de vrai, un smoking pour chien. Ah ouais? Ouais. Et tu l'as déjà mis? Bah, bien sûr. Et pour le 31? Pour le 31? Pour son anniv. Pour son anniv. Devant pas de Seb. C'est quoi comme marque de chien? C'est du. Je sais pas exactement parce qu'elle est adoptée et du coup on sait pas, mais. Elle est sans doute moitié Jack Russell, moitié autre chose. Okay. Je te montrerai une photo. Moitié faucon. Moitié très bizarre. Moitié faucon. Pour son anniv d'adoption. Un petit smoking sympa, sympa, sympa. J'ai pour mon propre anniv jamais eu un truc aussi stylé. Voilà. Ben, je le dis quand même, ça me fait un peu mal au cul. Là, t'as donné le top des trucs les plus ouf. C'est le top des trucs où. Ça me voilà. paraît pas si ouf. Moi, non. c'est pas hyper chelou. Il y a d'autres météorites. Bon. Un homard entier vivant. Ça, c'est déjà pas mal. Pas mal. L'animal, évidemment. L'animal, bien sûr. Oui, oui. Je ne parle pas de l'acteur. Oh, ça sent le truc bourré. C'est sûr. Putain. Mec qui a eu la volée en partant. Bien sûr. Un aquarium complet avec poissons et eau. Non, mais. Wow. Et il y a un truc avec les animaux bizarres. Ça, c'est bizarre. Marrant, oui, c'est le même mec. C'est trop bizarre. Un mannequin de magasin en entier. Voilà, comme vous savez, dans les vitrines là. Un vol encore. Bon. Un mannequin. Oui, t'as eu une petite, un petit fronçage de sourcils. Pas le métier. Ouais. Un oiseau vivant. Non, mais qu'est-ce qu'ils ont, les animaux? Oui, c'est bah, fou, je te dis, voilà. Deux radiateurs en fonte. Bien comme ouais, ça. Ouais, bah après, ouais. Et, bah, après, voilà. Je comprends que t'as pas envie de les trimballer à pied, quoi. Donc. Et tout ce que je vous ai dit. Tout ce que je vous ai dit avant. C'est la liste. Voilà. Ok, ok. Bah. Incroyable. Est-ce que vous pourriez vous qualifier de tête en l'air? Oula. Ah ouais? Il y a eu un hola oui très rapide. Ouais. Attention. Oui, bien sûr. Ah ouais? Bah, t'es arrivé pieds nus déjà. Ça donne la couleur. Genre, t'as déjà oublié ta fille quelque part? Ma fille. Attends, non, je crois. L'air d'autoroute. Ou... Le fait que tu réfléchis, c'est un peu inquiétant. Ouais. Non, mais ma fille, par exemple, tu vois, ma fille, elle est tellement traumatisée que je vous dis tout. Par exemple, le jour où elle a piscine. Elle fait son sac toute seule. Elle me dit elle met son réveil. Elle me dit surtout, t'oublie pas le bonnet. Okay. Ça c'est l'argent. Enfin, c'est ma daronne, okay. La meuf. Mais elle a raison, tu penses, de faire elle ça? Elle a aucune confiance en moi. Mais elle a raison. Non, mais un jour, tu vois, je me suis imaginée, je l'ai pas fait, mais j'étais à deux doigts de le faire. Je l'ai justement accompagnée à la piscine à l'école. J'étais accompagnatrice et donc c'était à 9h du matin. Donc j'amène la petite à 8h30. Elle rentre dans sa classe et on me dit, la dame me dit, allez vous mettre au chaud dans le bus. Et je me suis trompée de bus. Ah ouais. Je suis allée à Lourdes. Et l'autre bus, il allait dans le 77 à Provins. Bien voir sûr. Les bien aigles. Sûr. Écoute, trop marrant, le chauffeur, il me l'a dit, vraiment in extremis, il m'a dit, mais madame, je crois que c'est pas le bon bus. Et, tout. Et je suis descendue et je suis allée effectivement dans le bus qui allait à la piscine. Mais je me suis figurée, si personne ne me l'avait dit, mais je me serais endormie. Ah oui, si, il y avait d'autres enfants. En plus, oui, je me serais endormie avec le sac de ma gamine, parce que je l'avais, donc elle aurait passé la journée à regarder les autres nager pendant que la daronne elle tape le sandwich à Provins, tu vois. Parce que j'aurais accepté mon sort au bout d'un moment. Que t'as dit, tu serais emménagé là-bas. Bon bah, ouais. Bah voilà, c'est la vie, c'est le destin. Ah ouais, mais j'aurais pu... Toi, Benjamin, t'es quelqu'un qui peut... Ouais. Dans ma famille, vraiment, je suis le mec qui a le plus oublié de prendre ses clés. Mais ah ouais, un nombre de fois. Qui s'enferme dehors. Oui, ouais. Ça m'est arrivé plein de fois. Enfin, vraiment, de claquer la porte. Mais... Ah ouais. Encore oublié les clés. Oh le con. Oh le con. Je me suis un peu amélioré depuis que je suis à Paris quand même, ouais. Tu vois, mais et que le serrurier coûte voilà 3500 euros. Exactement. Quand tu l'as fait trois fois, tu te dis allez, maintenant on j'ai va plus les moyens de toute façon. Penser à prendre les clés. Et voilà. Mais ouais, non, je suis tête en l'air sur plein de trucs. Hier, par exemple, je jouais hier et je devais ramener une veste absolument pour le spectacle et je l'ai oublié. J'ai oublié la veste. Ah ouais. J'ai joué sans ma veste au spectacle, ce qui était pas très grave, mais quand t'as des tics de, tu sais, ouais, je joue tout le temps avec truc là. J'ai mis vraiment une demi-heure à me dire allez, c'est pas grave. Ouais, c'est relou. C'est un peu relou. Mais bon. Putain. Mais du coup, je habitué à ça, quoi. À vivre avec ça. Adrien ? Moi, ce que je fais quand je dois pas oublier un truc, c'est que je pose un objet chelou au pied de ma porte de mon appart. Pas mal. Et du coup, en sortant, tu fais attends, c'est quoi ce truc? Ah putain, c'est vrai que. Pas mal. J'arrive pas à savoir si c'est ingénieux ou fou. Ouais, c'est la rondelle. D'accord. Les deux. Le meilleur des deux mondes. Ce qu'il fait, c'est qu'il met des objets dans des Uber pour se rappeler. Comme ça, ils m'appellent et me disent mais le god bleu là. Et je fais quoi? Ah putain, la veste. Gardez-le, c'est bon. C'est mémotechnique. C'était un pense-bête. Pas mal. Ah ouais, c'est pas con ça. Olivia Benson a une fortune estimée à 97 millions de dollars. Mais est-ce que vous savez c'est qui? T'as son numéro? Non, t'es je con. Rigole. T'es con toi. C'est qui? Bah, c'est ce que je vous demande. Benson de Benson. Olivia Benson de Benson. Je sais pas. De Benson les chaussures. Non, Olivia Benson. Est-ce que c'est genre une youtubeuse virtuelle? Non, pas une youtubeuse virtuelle. Elle est âgée? Non, ça va. Non, ça va. Selon mes critères, en tout cas, ça va. À mon âge, quoi. Bien compris. Est-ce qu'elle a acquis cette fortune? Elle est plus jeune. Elle a acquis cette fortune via son travail? Via. Bon, elle a vendu ses paix? Non, pas du tout. Okay. Non, mais on en a déjà parlé. C'est une chef d'entreprise. C'est pas une chef d'entreprise. Non, c'est vrai que tu connais pas bien l'émission, ça revient souvent. Ouais. Des gens vendent beaucoup leur paix, on s'en est rendu compte. Okay. Et on statue. Voilà, acheter donc, un paix. À vendre un paix. À vendre un paix. Non, acheter ça, c'est. Enfin. Enfin bon, on n'est pas là pour parler de ça. Genre, je pose un paix devant ma porte d'entrée, je me dis, attends, c'est quoi ça? Un paix. Ah, la oui, veste. Donc, un peu par le travail, mais c'est pas ça le gros de sa fortune. C'est-à-dire qu'après, elle a fait fructifier, t'imagines bien. Elle a hérité? Elle n'a pas hérité, mais c'est effectivement une fortune qui est dans son entourage, disons. Hmm. Elle a volé? Elle a volé, non, elle n'a pas volé. Elle a pas... Mais est-ce qu'elle est... C'est un personnage public ou pas? Oui, oui, oui, oui. Ah. Même... alors, je sais pas si vous la connaissez, je pense pas, mais elle est assez célèbre. Elle a un pseudo? Elle a un pseudo? Non, non, elle a un nom. C'est s'appelle pas Olivia Benson. C'est okay. Pas une activiste ou je sais pas quoi. Ce n'est pas une activiste. C'est parce qu'il y a une nana comme ONG. Ça qui avait hérité d'une fortune et qui est une activiste, je crois écolo, je sais pas quoi, et qui avait tout rendu, enfin, qui avait pas du tout pris sa succession et qui avait tout filé. Et c'était une somme astronomique. Wow. Je l'ai vu passer aussi, dis-toi. Voilà, bah, je crois que c'était lié, pardon. Il y avait pas qui considérait que ça ne méritait pas cet argent. Ouais, qu'elle vivait bien normalement et que tout ça. J'ai pas besoin de cet héritage et qu'il l'avait balancé. Je garde un sacré courage. Je garde une petite moitié quand même. Moi aussi. À sa place, au moins. Moi aussi. Une évidence. Voilà. Donc, non, ce n'est pas une activiste. Ok. Donc, elle est personnage public. Actrice? Pas actrice, on l'a vu dans des trucs, mais c'est pas une actrice. Présentatrice télé? Pas présentatrice. YouTubeuse? Pas YouTubeuse. Influenceuse? Pas un... Oh, sûrement un peu, mais c'est pas le gros de son chanteuse. Métier. Chanteuse? Pas chanteuse. Bah alors? Mais elle connaît une chanteuse. Ouais. Elle est manager. Ah, c'est genre, elle bosse avec Taylor Swift? Alors, c'est avec Taylor Swift. Oh, waouh. Ah, putain. Pas mal. Elle est auteur? C'est pas l'auteur de Taylor Swift. Ah, c'est genre l'assistante de Taylor Swift. Pas la mélodiste. Est-ce que c'est des droits d'auteur? C'est des... J'ai jamais entendu ce métier. Mélodiste. C'est des droits d'auteur qu'elle. Qui... Non, non. Pas des droits d'auteur. Du merch. Sa coiffeuse. C'est pas sa coiffeuse. Du merch. C'est le coiffeur de Benjamin. C'est le coiffeur de Benjamin. Ah oui, le merchandising. C'est pas le merchandising. Pas le merchandising. Qu'est-ce qu'elle fait à Taylor Swift? Il y a un peu un piège, je vais pas vous mentir. C'est sa doublure? Non, c'est pas sa doublure. C'est son sosie? Pas son sosie. Est-ce qu'elle la suit? 97 millions le sosie, putain. Propre. Est-ce que. Donc son métier, c'est lié à Taylor Swift? Comment? C'est lié à Taylor Swift. C'est totalement lié à Taylor Swift. Est-ce qu'elle la suit en concert? Partout. Ok. Elle loue les tentes qu'ils mettent devant le. Ah, mais. Elle bosse chez Keshua. Elle est écosse. Est-ce qu'elle, genre. Je sais pas, genre, elle a un chien, elle s'occupe de son chien, quoi. Non, mais tu t'approches. Ah. C'est son assistante. Babysitter. Pas babysitter. Non, non, t'es plus proche avec le métier d'avant. C'était dog quoi? Sitter. Il y a un animal? Cat-sitter. Bah quoi? De quoi? Cat-sitter. C'est pas un cat-sitter, mais là vous êtes tout proche. Pas Cat Stevens. Mais c'est avec les chats? C'est avec les chats? Bah oui, mais. Elle est toiletteuse pour chats. Non. 97 elle... millions. 97 millions? Je vais vous le donner. Ah, elle lui a vendu un chat non. Elle non. A. Attends. Mais non, mais dis pas. Ah, il est venu fou. On est tout prêt. Là, c'est mon Adri. Il y a un rapport avec les chats. C'est un rapport avec les chats, ouais. Le chat. Le chat de Taylor Swift. Très bonne réponse. Ah, c'est son chat. Ah merde, c'est le chat de Taylor Swift. Quoi? Olivia Benson, c'est le chat de Taylor Swift. C'est que quand t'as dit ça au début, j'ai failli dire, parce que c'est la question que je pose toujours en premier, est-ce que c'est un animal? Eh ben, t'aurais dû t'écouter, mon pote. Tu vois, t'en serais pas là aujourd'hui. C'est le chat et de le Taylor chat, Swift. Comment un chat possède 97 000? Je vais tout expliquer. Et un nom et un prénom surtout. Ah, est-ce que c'est parce qu'il a un compte de réseaux sociaux et... C'est pas que ça, mais effectivement ça a joué. C'est pour ça que je pouvais pas vraiment vous répondre, parce que ça a contribué à sa fortune. Putain. Mais de base, c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'argent. C'est un Scottish Fold, nous dit Combini. Et le site 4.com l'a classé en 3ème position des animaux de compagnie les plus riches du monde, avec une valeur de 87 millions de dollars. Alors comment est-il arrivé à ce calcul? Grâce à la présence de Benson dans plusieurs clips viraux de sa maîtresse, Taylor Swift. Attends, dans de nombreuses publicités visant les chats, ou plutôt leur propriétaire, c'est une égérie. C'est un peu comme Shakira avec le frident, vous voyez, c'est Colgate, pardon. C'est-à-dire qu'elle fait des pubs pour la bouffe pour chats, et elle a même sa propre gamme de produits dérivés chats. Wow. Eh ben ouais. Non mais il a 87. Pas un compte en banque le chat, c'est quoi ces conneries? Bah en tout cas c'est ce qui. C'est la valeur. C'est la valeur, moi je suis pas de l'amour. Ah oui, je suis pas, c'est son, voilà, incroyable. Et du coup, son net worth. C'est ça exactement. Devant Olivia Benson, on retrouve le chien d'un milliardaire qui aurait hérité de 500 millions de dollars. Ça c'est quand même une jolie somme. Comment ça se passe techniquement quand ça apparemment ça se débunk. Le 4.com ils disent ça on n'est pas sûr, parce que moi je bosse beaucoup avec 4.com. apparemment ils disent c'est peut-être un faux truc pour faire le buzz sur ce sur le chien, ou pour blanchir de l'argent, ou pour blanchir de l'argent. Non mais c'est mon chat. Un chat qui est l'égérie d'une marque de bouffe aussi là-bas, et dans le reste du classement on retrouve les 5 chiens de Oprah Winfrey qui auraient un patrimoine de 30 millions de dollars. Wow. Nul. Zéro. Et en dernière position on retrouve Choupette, le chat de Karl Lagerfeld, qui lui a survécu. Et il y a pas le chien de Squeezie. Alors, je suis un peu déçu. Non, le chat Squeezie doit être à 2-3 millions mais il débute hein, il débute. Ouais, Choupette, j'étais sûr. Choupette qui détient 13 millions de dollars. Pas wow. mal. Très... Le chien d'Obama, non ? Il avait pas des chiens. Ah, c'est sûr qu'à son, il doit avoir une. Mais après, est-ce que parce que t'es riche, ton chien a de la valeur ? Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce que c'est. Parce que aussi, là, c'est genre. Il taffe, hein, aussi, là. Le chien de Squeezie, par exemple, il fait pas de pub. Ouais, il ouais, doit bien pas sûr, avoir. Bien il bien pas sûr, avoir l'exploite pas, quoi. Il l'exploite pas. La méritocratie, c'est vrai. Il faut bosser, il faut bosser. Et en parlant d'animaux de compagnie, que font 98% des propriétaires d'animaux ? Là, c'est, le chiffre est énorme. Hein. Des câlins. Non. Des bijoux. Du Nutella sur les couilles. Non. Personne le fait. Si. Personne le fait. Alors, beurre de cacahuète. Beurre de cacahuète. Et c'est pas 98%. Le chocolat, c'est très mauvais pour les chiens. Ça va le tuer. Tu veux tuer le chien. Beurre de cacahuète. T'es bien. Le chien, il fait. Oh, les couilles, ok, mais pas le Nutella. On enlève ça tout de suite. Je fais sans rien. Et donne un petit surnom à leurs animaux. Non, ils donnent pas un petit surnom. T'as, tu donnes un surnom à Frankie ou c'est juste oui, Frankie? Oui, oui, oui. Ah, tu veux pas le dire là? Oui, oui. Il y a Frank Sauce. Ah oui, Frank Sauce. Ouais, Frank ignoble aussi. Malheureusement. Alors qu'elle est pas du tout ignoble. Mais bon. T'as un animal toi, Laurie? Ouais. Ouais, t'as quoi? J'ai un chat et un lapin. Oh, un lapin? Ouais. Bah, pour ma fille, c'est le deuxième lapin parce que le premier est décédé. Ah. Bah ouais, j'en parle un peu dans le spectacle parce que je me sens responsable de. Ah merde, on va pas spoiler alors. Mais... Non, et le nom du. J'ai envie du premier lapin déjà Elle s'appelait Lily. D'accord. Et le deuxième lapin s'appelle Crème. Et quand on m'a vendu Crème, on m'a vendu comme si c'était une petite lapine. Et après, j'ai eu un chat. Et quand je les ai présentés. Ils étaient très complices. C'est-à-dire un Pixar pour le moment. Ah non, ouais. Oui, ça mais va, très ça complices va. Jusqu'au moment où je me suis aperçue que Crème passait ses journées à enculer le chat. Et Crème, qui était quand même une lapine. C'est moins un Pixar. Ouais. Et... ah ouais, c'est débutait. Et je on me repart suis aperçue... sur Gaston Bide là. Et je me suis aperçue que Crème avait une énorme bite. Ouais. Et que c'était ah oui. La grosse bite à Crème. Et t'es sûr que t'as pas juste. C'est pas un quiproquo sur lapine. Genre, ouais. Alors, vous avez eu la pine là ouais. Une femelle donc. Ça c'est une pine, non, pine pour baiser un chat. Ouais, non, d'accord, c'est pas du tout ce que je cherche. Ah voilà. Ouais, alors il y a eu une relation inter. Ouais, ouais, okay. Les non consentis. Hein, donc, en bon, plus, ouais, ça l'histoire. Ouais, je les ai séparés, j'ai fait castrer. Voilà. Et c'est pas moi effectivement je connais des gens qui ont des lapins en appartement du coup j'imagine. Non, je suis en maison mais je le laisse dans le jardin. Tu le laisses dans le jardin. Ouais. OK, alors c'est OK. Ouais. Parce que je connais des gens qui l'ont en appartement et je me dis mais ça va être horrible l'odeur, ouais, le bordel. Terrible. Ouais, oui non, je te rejoins. On parlait d'hygiène, ça doit être ça doit sentir le micro-main. Et le chat s'appelle comment? Et le chat s'appelle Nala. Ou Fifina mamie. Oui, bien sûr. C'est deux noms, c'est deux noms. Et toi Benjamin, animal? Oui, un chat qui s'appelle Cherki. Oh, voilà. Oh, mignon. Qui était Cherkan, mais. Bien sûr. On l'appelle Cherki, plus sympa. Bah oui. C'est drôle que tu lui aies donné le nom d'un. Caca d'homme, l'enculé. Alors, comment. Alors, j'ai une question. J'ai une question pour les propriétaires de chats. Comment vous changez la litière? Est-ce que vous avez la petite pelle de chercheur d'or? Bien sûr. Bien sûr. Ah oui, tu retires les cacas à la pelle? Mais toi, t'as un jardin, toi. Ah oui. Non, mais il chie quand même dans sa caisse. Ah oui. Et donc, toi, tu les attrapes au PQ? Non, non, je vide la caisse complète. Ah, régulièrement, du coup. Ah oui. Ça doit coûter une fortune en termes de litière, quoi. Non, non, ouais, moi, je. Ouais. Non, ah ouais, non, comme ça. Moi la petite pelle. Petite pelle, après, ouais. Poubelle, la merde, la pelle à merde. Et après en général c'est quand je vais vider la poubelle en bas quoi. Ah, oui, je voilà. Tout d'une pierre. Et là tu changes la litière évidemment. Exactement. Et tu est-ce que vous achetez les sacs faits pour ça ou pas? Les tout petits sacs. J'ai découvert ça récemment. Ouais. Le sac à litière, le sac poubelle à litière que tu mets en dessous. Ouais. Parce qu'avant je prenais les gros sacs et tu sais c'était soit trop petit, soit trop gros ou des tu sais c'était il y avait des trous. Il y a le vrai sac à litière maintenant. Et du coup quand tu enlèves la litière, t'as les petites anses comme une poubelle et ça fait comme un petit sac poubelle trop mignon quoi. Mais attends, parce qu'il gratte pas, toi, ton chat. Bah, si, mais il y a de la litière et tout, donc ça va, ça, y a, ça fait pas des trous dans le sac poubelle. Ah, toi, ça fait des trous dans le sac poubelle. À un moment, il se fait les griffes sur le côté du truc. Enfin, je comprends pas du tout comment. Pourquoi il recouvre pas sa doms déjà. Déjà. Et ouais, bon, il griffe l'avant du truc. Il fait des énormes merdes en plus. Et en plus, il fait des doms. Ouais. Vraiment, bah, c'est énorme. Il est régisseur sur ton spectacle, on rappelle. La cata. Fume des clopes dans sa litière. Déroulé. Ah, c'est atroce. Et généralement, il y va au moment où on va se coucher. Ah, ah, ouais. Dans le couloir, il y a la litière. Ouais. Vraiment, l'effluve qui arrive. T'es couché, t'es prêt à t'endormir et t'es une odeur. C'est pour ça que le dumps, mais l'enfer. Et vous êtes team le chat peut dormir dans la chambre ou pas du tout? Il dort sur votre lit ou non? Ah non, il y a des règles. Ah, mais là, je sens qu'il y a des règles. Le lapin est dehors, le chat. Mais moi, mon chat, il m'a ramené des puces chez moi. C'était horrible. Ah oui, bah ils vont dehors, mais c'est ça. Mais je savais pas que les puces de chat pouvaient aller se nicher chez les humains. Ah bah si, ouais. C'est le sida des chats qui reste dans les chats. Mais les puces, malheureusement, elles se baladent. Après, tu dépenses ce que tu fais. Bien sûr. Ton lapin peut attraper le sida des chats, malheureusement pour lui. Chers amis, ça fait déjà 1h22 qu'on parle. Mais non, mais on n'a pas répondu à la question. Ah oui, mais pardon. Des funérailles. Non, 18%. Moi, depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que la statue c'est Alex Lutz, mais est-ce que c'est parce que je suis. Non, c'est Will Ferrell. Okay, c'est Will Ferrell. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais. Ce serait extraordinaire que j'ai un petit Alex Lutz en bronze dans mon appart. Des funérailles. Ah ouais. C'est t'as fait quand t'as enterré ton lapin d'ailleurs, il y a eu une petite cérémonie et tout. Je l'ai fait incinérer. Ouais. Ah ouais. Avec ta fille et tout, du coup, en mode au revoir. Belle enculerie, 150 balles. C'est très cher. Ouais, 150 balles. Moi, il y a le chat de ma meuf quand elle était encore en coloc. On rentre et donc le chat est dead. Et c'était la nuit quoi. Et donc d'un coup, t'es à Paris, il est 2h du mat et tu dis mais qu'est-ce que je fais du cadavre du chat à Paname. Donc moi, voilà, j'ai grandi en Bourgogne. Je dis bah si vous voulez, je le mets dans un sac et je le mets à la poubelle en bas, la poubelle publique. Donc là, ma meuf me regarde en disant tu es un viking, visiblement. Ouais, tu n'as pas elle a grandi à Saint-Maur-les-Fossés, donc des fois il y a des réactions de ma part où elle fait mais qu'est-ce que tu. Non, t'as grandi dans les bois, qu'est-ce que c'est que ces conneries. Et donc on a appelé un. Donc ça existe, des espèces de veto de nuit, mais qui viennent juste pour prendre les cadavres de chats. D'accord. Et du coup. Mais en fait, c'est horrible parce que. Des tarifs de serrurier, j'imagine. Des tarifs horribles, et c'est 3h du matin. Enfin là, c'était 2h30 le temps que le gars arrive et tout, et c'est vraiment comme un Deliveroo quoi, il est avec un gros sac sur son dos, il sort un sac poubelle, il te met le chat dans un sac poubelle. C'est quoi le code? Dis c'est quoi le code s'il vous plaît. Ouais, vous pouvez pas descendre avec le chat. Non, ça nous arrange que vous montiez quand même. Et il fout il part avec le chat, il nous a demandé est-ce que vous voulez qu'il se fasse incinérer et que vous ayez les cendres ou alors on l'incinère avec plein d'autres trucs et vous aurez pas les cendres. Et c'est moins cher, donc du coup on a fait ça. Okay. On a dit au revoir au chat comme ça. Donc ça peut être un chat, un lapin, un rat, n'importe, un hamster. Un rat, et tout. Putain. Bah non, mais c'est mignon. J'avais un pote qui avait un rat au lycée. C'est mignon, les rats. J'étais en L, hein, donc. Ah ouais, bien sûr. Il y avait des punks à chiens. Non, moi, c'est ma limite. Les animaux de compagnie, là, c'est ma. Vivarium aussi. J'ai un beau frère qui avait un vivarium avec le serpent, avec l'iguane dégueulasse et tout. Ouais, mais ça, j'aime pas. Ouais, non. Mais de toute façon, toi, t'es un amoureux des animaux. Non, mais ils doivent pas être heureux. Bon, bref. C'est sûr. Caresser les. Non. Non, mais putain, un truc que... Bah, c'est ça, c'est que si 98% des gens le font, ça doit. On le fait, ça veut dire qu'on le fait. Ouais, ça doit être genre. Oui, bah, les nourrir, je sais pas. Non, mais je vais vous le donner. Mais non, mais. Vous allez être déçus. Bah, c'est vrai que si 98% des gens le font. Ça doit pas être si insolite que ça, finalement. C'est insolite parce que j'ai une deuxième question derrière. C'est là où je suis. Ok. C'est il leur parle. Ah bah bien tout sûr. Simplement. Oui, bien sûr. Il leur parle. Mais à votre avis? Moi je préfère qu'il y ait des nudes de moi qui leak que des vidéos de moi en train de parler à moi. Ah ouais, l'enfer. Ah ouais. Des fois je lui parle premier degré, horrible quoi. Ah vraiment, ouais. C'est. Tu sais ce qui m'est arrivé ce matin? Ah ouais. Et bah, c'est génial. C'est ma question. Quels sont les sujets qui reviennent le plus souvent dans la conversation la que les gens ont avec les animaux? La bouffe. Non, pas la bouffe, dites-vous. Eh non. C'est peut-être la question a été mal posée au panel, mais c'est pas le sujet qui revient. L'amour. Non. La dépression. La dépression. Tu m'aimes plus. La dépression. Non, pas la dépression. Ah, ben... Enfin, pas sous mon toit en tout cas. Mais du coup, tu lui poses des questions et tout. Non, mais. Et alors t'en penses mon quoi absence. Plutôt le bleu ou le rouge? Je sais pas. Avec un jean. Non, mais je te demande. Tu lui montes des tweets. Et là, la robe, tu vois, de quelle couleur? Elle est grise ou elle est bleue? Je la pose celle-là ou pas, cette photo-là? Ton avis? Es-tu la famille. La famille. la famille, ce qui se passe dans ta famille. Et Mais c'est quelle étude ça? Vous avez pas dit le numéro 1, je vous demande le numéro 1. Le truc dont parlent les gens le plus. Le sexe, malheureusement. Alors, tu, alors, vu que tu m'as vu, de palme, ça vu que tu m'as vu, t'en as pensé quoi? Non, le sujet qu'on sait pas trop quoi dire aux gens, on parle de quoi? Le temps. La météo. Putain. Le numéro 1, mais ça m'a surpris. Ah ouais, ouais. Donc, comment tu parles de la météo? C'est beaucoup plus profond, moi. Ce <que je parle. rire> Peut-on rire de tout, Francky, à ton avis? Donc oui, chers amis, ça fait 1h30 qu'on parle. Je t'ai pas prévenu, Laurie. Je te prends un peu au dépourvu, mais c'est pas grave. Tu vas nous jouer 10 minutes du spectacle. Non, pas du tout. C'est comme chez Drucker quand ils font. Bah alors vous, Laurie, apparemment vous êtes allé chercher votre fille et tu dois jouer. Ah, c'est horrible. J'ai Anne Roumanoff un jour qui m'a fait ça en interview. C'était horrible. Ouais, moi aussi. C'était horrible. J'en ai beaucoup voulu. Ouais. Ce qui est faux parce qu'elle est humoriste, donc elle, ça doit être dans son habitude de le faire. Et le perso, il fait quoi? Il fait quoi quand il rentre dans le restaurant? Il fait quoi? C'est horrible. Il le prend mal qu'il y ait un Burger King, non? Il pense quoi? Toute l'interview, elle m'appelait Benjamin Tramier, déjà. Donc ça m'a un peu énervé. Et à chaque fois, je disais, ah oui, c'est vrai, merde. Et dès que je disais merde ou putain de cette tic de langage, on ne jure pas en direct. Mais moi, elle m'a dit un truc horrible. Mais horrible, moi, genre un enfant. C'était atroce. Moi, je suis arrivée là-bas et je venais de faire un sketch sur les prénoms. Ah, et putain. Du coup, j'avais demandé. Mon attaché de presse me disait, est-ce qu'il y a des trucs que tu peux pas dire ou pas faire? Je dis, ouais, j'ai pas très envie qu'on parle de ce sketch, ça, et c'est bon, on l'a vu partout et tout, passons à autre chose, quoi. Et elle me connaissait pas, donc quand je rentre dans le studio, elle a ma fiche. Et elle fait. Laurie Perret, vous avez un problème avec les prénoms, racontez-nous. Oh. Donc tu peux pas te démonter, t'es obligé de faire le truc, tu vois. T'es en direct, je lance le truc. Et puis pendant que je fais ça, elle me regarde absolument pas, elle continue de lire ma fille. Oh, et là, elle me fait, je vois que vous venez de Trappe. C'est marrant parce que avec votre attitude un peu BCBG, on dirait pas du tout, vous n'avez pas du tout l'allure. Allez, un petit cliché, un petit cliché. Vous n'avez pas du tout l'allure de quelqu'un de Trappe. Ah ouais, je dis pardon. Je dis, moi je me démonte pas, tu vois. Je dis, vas-y, je suis Maurice, fais des vannes. Moi je trouve une vanne ou deux, tu vois. Et elle me dit, non, mais si je peux me permettre d'insister. Aïe. Mais Anne, j'ai une anecdote, excusez-moi, sur Anne Roumanoff. Pendant ce rodage, ça prend un virage que j'adore. Excusez-moi. Donc j'ai rodé à Reims. Ouais. Et je me retrouve dans le. On m'annonce que je vais être à la gare en même temps que Anne Roumanoff, qu'on va me chercher moi, et Anne Roumanoff qui jouera avant moi. Mon Dieu. Je la croise en sortant de la gare, je la salue, elle me capte. Elle me fait un sourire, je pense, en pensant que je suis un fan ou je sais pas quoi. Ouais. Et on se retrouve devant la voiture en même temps. Et je dis, rebonjour Anne. Du coup, on va au même endroit. Et j'étais avec mon co-auteur, on avait tous les deux une casquette. Et elle fait, je suis désolé, j'ai cru que vous étiez des rappeurs. Bon, déjà, attendez, ça du commence coup, comme du ça. Donc je vous ai pas dit, ça commence comme ça. Donc c'est un peu marrant, tu dis, bon, elle pue toute jeune, pas de soucis et tout. Et donc nous on fait nos répètes et on nous dit bon bah là Yann Roumanoff qui va répéter après vous, on va vous montrer votre appartement qui est collé au théâtre et tout. Donc on arrive à l'appart et on nous dit bah voilà les clés, faites ce que vous voulez, reposez-vous avant de jouer ce soir. Et donc on monte à l'étage voir nos chambres, donc il y a que deux chambres. Première chambre, Anne Roumanoff allongée dans le lit habillée en train de dormir. Et là on se dit avec Zaïd, bon bah il y en a un de nous deux qui va devoir dormir avec Anne Roumanoff ce soir. Attends, quoi? Mais pourquoi elle dormait dans l'appart aussi? Et en fait nous on dévale les escaliers 4 à 4, on court dans la rue mort de rire à appeler les gens qui s'occupaient de la date, tellement on se disait putain on va devoir dormir avec Anne Roumanoff, c'est hilarant. Il y en a un de nous deux, ça va être courte paille de qui dort avec Anne Roumanoff. Et en fait pas du tout. Elle s'était trompée de chambre. Fait elle voulait se reposer, ils lui ont dit bah mets-toi dans l'appart, en pensant qu'elle allait dormir sur le canapé, tu vois. Et en fait elle s'est mise dans le drap en se disant bon bah voilà. Mais bon bref, d'imaginer qu'un de nous deux allait dormir avec Anne Roumanoff. Fidèle auditrice de l'émission, bien évidemment, sûr. Évidemment, vous l'imaginez bien. Donc oui, à la fin de l'émission, on fait des recommandations culturelles, de trucs qu'on a bien aimé. Alors c'est pas forcément des trucs récents, hein, c'est juste des trucs que t'as bien aimé récemment. Donc tu vois, si t'as découvert un film des années 80 hier, tu peux en parler. Ça peut être film, série, télé, spectacle, bouquin. Voilà, vraiment, c'est très ouvert. Adrien Méniel. Moi pour être original, ça va être un petit jeu vidéo indépendant qui s'appelle Jusant. D'ailleurs, je prononçais Jusent à la base et j'ai appris qu'en fait c'est un mot français, Jusant, parce que c'est un studio, c'est un studio français qui fait le jeu. Et Jusant, c'est la période, enfin c'est quand la marée redescend en fait. C'est le Jusant. Voilà. D'accord. Je savais pas là, donc je l'ai appris avec le jeu. Et c'est une espèce c'est un jeu de... sur la marée du coup. Bah plus ou moins. En fait, le truc c'est que ça le jeu démarre. On est dans une espèce de d'univers un peu désertique où il y a une immense montagne. Et c'est déjà un peu curieux parce que c'est le désert, mais il y a plein de carcasses de bateaux, de matos, de navigation et tout. Donc tu te dis c'est chelou parce qu'on est dans le désert. Et en fait c'est un jeu d'escalade. En fait il y a une mécanique machin pour escalader les parois et tout. En fait tu gravis la montagne. C'est pas du tout un jeu. Tu peux pas mourir déjà dans le jeu. Tu peux juste progresser. C'est très zen, on va dire. C'est bienveillant. C'est tout à fait bienveillant. C'est bienveillant. Ouais, bah, c'est un gros nounours qui a fait le jeu. Ah bon, bah ok, autant pour moi. C'est un mec du Hellfest. Donc c'est très assez contemplatif, c'est pas du tout stressant et tout, c'est assez cool. C'est court aussi, ce qui me plaît, parce que c'est genre, tu le finis en 6 heures. Ce qui... Sur PC toujours Oui, PC, sur PS5. Mais je regarderai après les plateformes. Okay. Mais en tout cas, moi j'y joue sur PC. Et en fait le principe c'est que tu ne sais absolument rien de l'histoire de tout etc. Et en fait tu gravis la montagne et il y a des mots écrits qui sont un peu disséminés dans le truc. Et donc tu lis les messages qui sont laissés par les anciens habitants de la montagne. Et du coup plus tu progresses dans la montagne plus tu comprends ce qui se passe en fait. Donc c'est un peu narratif mais dans le jeu en fait tu lis le truc, tu fais ah putain ça doit être ça du coup. Puis c'est assez bien foutu parce qu'ils égrènent bien. C'est des énigmes un peu. Il y a pas trop. Le seul truc qui est un peu énigme, c'est tu sais, tu dois grimper et du coup tu fais attends, comment est-ce que je peux. Donc il y a un peu un aspect énigme dans le genre, mais attends, comment est-ce que je peux arriver sur cette plateforme là. Donc tu. Mais c'est pas non plus des trucs où tu te prends la tête pendant des heures et tout, c'est assez cool et tout, c'est vraiment bien. Et je l'ai pas fini encore, mais il est vraiment cool le jeu. C'est un studio français, c'est hyper beau et tout. Donc voilà, il est pas sorti là tout de suite, mais tu fouilles pour trouver ces trucs là ou pas trop. Okay. En vrai, y a pas de truc vraiment qui te challenge quoi. C'est plus un truc tu te balades. Mais pardon, pour trouver ces jeux là à chaque fois, tu trouves ça sur. Je sais pas comment j'en ai entendu. Okay. Moi, je mate un peu des trucs sur Twitch, sur les jeux vidéo, donc ils en parlent et du coup je trouve parfois comme ça quoi. D'accord. Et voilà, un jeu qui est assez cool. Et sinon j'ai re-regardé Sideways. Et on est d'accord que c'est le réal de c'est ça, The c'est Holdovers. Alexander Payne. Voilà. Ouais. Et d'accord. Donc le The Holdovers. Winterbreak. Winterbreak. En français. Des, on citait beaucoup. Bah, t'en avais parlé dans le podcast. Ouais, je l'avais conseillé. Je sais pas si vous l'avez vu. Un film avec Paul Giamatti qui est sorti là en 2023, du coup. Ouais. Qui était vraiment génial. Et du coup, ça m'a donné envie de remater Sideways parce que c'est aussi avec Paul Giamatti et c'est le même réal. D'accord. Et bah, c'est un super film, Sideways. Trop bien. Sideways, ouais. C'est vraiment. Ouais. Très feel good. Tu l'as vu, toi? Parce que ça parle de Pinard en plus. Non. Ouais. Non. Bah, allez, Sideways. Super film. L'affiche est. Donne pas envie, mais le film est super. Ouais, trop bien. C'est vraiment bien. Et puis Paul Giamatti. Il date de quelle année, Sideways? Début 2000, je pense, un truc comme ça. Ça doit pas être beaucoup plus vieux. Oui, c'est deux potes qui sont vraiment, en termes de personnalité, assez diamétralement opposés. Ouais. On a un, c'est un genre un écrivain raté, et l'autre, c'est un acteur, bon, raté aussi un peu pour le coup, mais la personnalité n'a rien à voir. Et ils font une tournée des vignobles de Californie ensemble, quoi, un peu une espèce de. C'est pas vraiment un road trip, mais un peu, voilà, ils partent et puis. Trop bien. Vraiment, c'est trop cool ce film. Ok, vraiment. Trop bien. Voilà. Putain, trop stylé. Trop bien. Benjamin. Moi, avant de fermer Rocco, j'avais quand même une question, messieurs. Vous avez pas répondu, puisque je connais très bien vos floodcasts. Hugo décrypte même de lui-même ou pas? On n'a pas la réponse. Alors, écoutez, parce que c'est vrai que pour expliquer un peu à Laurie aux auditeurs, Hugo décrypte. Tu vois qui c'est ou pas, Laurie? Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui. De la réponse. Écoute, on est au milieu d'un village et tu viens d'amener une église. Donc voilà, on en plein centre. En plein centre de ce village. Il fait des actus et à la fin, il met ce qu'on appelle un mème, donc une espèce d'image un peu marrante sur l'actu. Et on se posait la question de est-ce que c'est lui qui l'est choisi ou pas. C'était un truc qui nous glaçait. Est-ce qu'il est valide au moins, quoi. Est-ce qu'il est valide. Et j'ai été invité à l'avant-première du documentaire de Squeezie il y a quelques jours et il était là. Je m'étais mis une mission de lui demander. Oui, c'est vrai que t'avais dit ça. Évidemment. Sachez que mon influence dans le monde d'internet n'est plus ce qu'elle était et que je suis un peu un immense ringard, car déjà apparemment tous les youtubeurs portent du Louis Vuitton maintenant, ça c'était assez formidable. Franchement, le photocall là, pas énervant du tout. J'ai pas été du tout énervé en regardant comment ils étaient habillés. Arrêtez. On est vraiment devenus des vieillards. J'ai l'impression de devenir les vieux du Muppet Show, mais c'est laid. Ils étaient très bien habillés, voilà. Non. Il portait des trucs très chers et je n'ai pas pu approcher Hugo Décrypte tellement j'étais t'a fait une clé de bras. C'est pas lui, non, mais il dit pour rien le pauvre. Il est très sollicité. Il y avait tellement de gens, tellement sollicité, une bande. Je me suis senti comme un nain au milieu des géants et je me suis dit voilà. C'est un géant en plus pour le coup. Et donc on n'a pas la réponse. Et pour le moment je ne l'ai pas encore, mais je ne lâche pas. C'est ma mission de 2024. Merci. Je m'en fous un peu du succès de Nous les Leroy. Ma mission, oui, s'il te plaît, c'est de savoir si Hugo Décrypte valide ces mèmes ou pas. Et je le saurai. Je le saurai. Je vous le dirai. J'essaye d'avoir la réponse même de sa bouche. Voilà. Je veux le savoir. Ne harcelez pas Hugo Décrypte. C'est ma mission à moi. Je veux pas que vous participiez. Je veux savoir ça. C'est pas votre combat. Benjamin, tu en seras le premier informé. Merci, oui. Je vais demander à Hugo, j'en fais un point d'honneur. Ta recommandation. Sinon, vacances, beaucoup joué à Tu te remets combien ? Qui est la suite de Tu te mets combien ? J'adore. Qui est mieux que le 1. Oui, je suis d'accord. Ah, elle est mieux. C'est un jeu de société. Il est mieux. Ouais, tous les défauts du 1, ils l'ont gommé dans le 2. Voilà, il y a des cases dans le 1 où si tu tombais dessus, tu savais que t'allais gagner le jeu. Ouais. Oui. Du coup, là, ils ont un peu mis un challenge. C'est un peu comme Trivial Pursuit, c'est des questions de culture générale. Et donc, tu te mets combien, par exemple, en coton-tige ? Par exemple, je crois que tout le monde donne cet exemple. En gros, t'as des. Pardon, je me permets. Mais désolé. Bien sûr. T'as des catégories de questions, genre culture G, farfelu, machin, etc. Tu prends la carte. Sur la carte, il y a un thème. Donc, la personne te dit coton-tige. Tu te mets combien en coton-tige ? Et donc c'est de 1 à 10, t'as 10 combien questions. Tu estimes ta culture, ouais. Voilà. En coton. Ah, et en d'accord. gros t'as 10 questions. Donc okay. La question 1 c'est coton-tige, ça se met dans la bouche ou dans l'oreille? Voilà, très okay. facile. Et 10e c'est qui a inventé le coton-tige, voilà, etc. Et donc si tu dois donner une note. Ouais, 3, et bah avec ta bonne réponse t'avances de 3 cases. Voilà. Ok. Mais bon, pas délai. Mal. Ouais, c'est vraiment bien, c'est vraiment cool. Moi, le seul reproche que j'avais, c'est qu'il faisait un peu trop de blagues. Oh, ça m'énerve, ça, attention. Et parfois, il y avait des questions. C'est trop blague. Et, ouais. Bah, les 1, 2, 3, les questions 1, 2, 3, c'est ouais, mais ça, très blague. Ça va, mais des fois, je crois me souvenir que la question 10 c'était un peu une vanne. Genre, je crois que c'était. Le thème, c'était Francis Cabrel. Ouais. Et je crois que la 10 c'était Est-ce que ce monde est sérieux ? Oh, et disait, et ça t'a vénère qu'en 10e ils te mettent une vanne. Je crois que c'était là, ça, mais peut-être que je suis peut-être en train de dire n'importe Adrien quoi. Adrien est très sur les règles, attention, il faut le savoir. Ouais. Ouais, et je voulais juste conseiller un dernier truc. On en a déjà parlé, je vous en ai déjà parlé ici. C'était d'argent et de sang. Ah, là, oui. La ah, saison ouais. 2, bref, la saison 2 arrive, enfin la partie 2 arrive. Trop content. Lourd. Bref. Donc c'est bien ça, ouais. Trop bien. Ah putain, bon. Vraiment série française, trop bien. J'ai pas vu. Et du coup, moins connu, mais c'est ça que je voulais recommander. Ça s'appelle Sans issue, la tuerie de Chevaline. Voilà. Si vous connaissez pas la tuerie de Chevaline, allez voir ça. Docu trop intéressant, trop bien fait, surtout sur un cold case connu, quoi. On a toujours pas élucidé le meurtre à l'heure actuelle. Oh. Et chaque épisode, tu dis, bah, c'est lui l'assassin. Et à chaque fois, chaque épisode, tu dis, bah non, du coup, ça doit être lui. Ah, non, mais c'est putain. Ouf. Ouais. Mais c'est trop bien et c'est fait. C'est sur quoi ? Et c'est sur MyCanal. Ok, putain, trop bien. Ouais, sans issue. Trop bien, trop c'est bien. Génial. Vraiment mortel. Là, il y a un documentaire qui me fait un peu envie, mais je pense qu'il sera décevant parce que souvent, c'est ça, la bande-annonce est top et tu te dis peut-être que le sujet mérite pas autant. J'ai vu que Netflix, ils allaient sortir un documentaire sur We Are the World. Alors, sur comment s'est passé l'enregistrement, et donc t'as Bruce Springsteen, Lionel Richie qui reviennent sur le truc, qui balancent des histoires de ce qui s'est passé. Ouais. Là-dessus, ça va pas être chiant. Bah, je sais pas, je l'ai pas vu. C'est-à-dire que la chanson est chiante. Mais sur comment, si c'est un 50 minutes et qu'il y a plein d'intervenants, on peut y avoir un truc marrant. Mais ça m'a piqué ma curiosité. Mais la curiosité a été piquée. Je comprends. Je voulais juste te remercier de pas m'avoir craché la gueule quand je t'ai repris sur l'explication des règles de TTMC, parce que c'était odieux. Connais par cœur le jeu, tu crois que tout le monde est dans ta tête et comprend ce que tu veux dire. Du coup, mais je pense c'était très pointu votre exemple du coton-tige. J'ai vraiment eu du mal. C'est des trucs comme ça, les questions. Mais c'est génial. Bon jeu de société à jouer en famille ou en ami. On revoit le CM. Merci Benjamin pour cette rubrique. Ah, donc le. Mais putain, je vais me l'acheter du coup. Ouais, le 2 est vraiment cool. Trop bien. Et vous connaissez le code name? Ah, bien sûr. Trop bien, un codename. J'ai découvert il y a pas longtemps. J'ai adoré. C'est trop trop bien. J'ai adoré bien connecter avec la personne. Ouais. Mais j'ai fait l'erreur exactement. J'ai fait l'erreur de jouer avec ma belle famille à Center Park et ça. Tu ça, sens... ça a vrillé. Non, ça a pas vrillé, mais tu sens non. que les cerveaux sont oui, différents. Ça quoi. Peut, oui. Mais pas du tout. Mais les cerveaux sont différents et du coup les gens peuvent être mauvais joueurs aussi. Je suis d'accord. On s'est embrouillé. Il y a une petite embrouille. Mon meilleur pote devait me faire deviner le mot journal et Canada. Et il me fait en deux quotidien. Bon, bah là, triche. Bon, bah là, tu triches. Je suis avec toi, mais là, c'est triché. Exceptionnel. Exceptionnel. D'ailleurs, Codenames, il y a une version en ligne. Ah ouais? Ouais, il y a une version où tu peux jouer en ligne. Ouais, ouais. Le, et c'est, le, c'est eux, enfin, c'est ceux qui font le jeu de société qui ont fait la version sur internet. Ouais, trop bien. Et il y a, et y a du coup une version. Alors, est-ce qu'il existe un jeu de société? Je sais pas, mais où tu peux jouer juste à deux. Oui, je l'ai, moi. Je l'ai. Tu peux jouer Duo. À deux. Ouais, ouais, okay. Ouais. Donc elle existe en. Un peu chiant, un peu chiant. Ah ouais, mais bon. Marrant, je l'avais fait pendant le confinement. Mais c'est pas mal parce que tu vois, tu peux y jouer sur le téléphone. Ouais, pas un mal. Peu, t'es posé un peu sur le canapé et tu joues à Codenames à deux. Ah, pas mal. Cool. Pas mal. Là, je vois un mec à la cool. Ouais, bon, allez, regarde. Regardez comme je suis détendu. Le micro sur le ventre et ah tout. Ouais, putain. La ceinture est détachée à ce moment-là. Je suis un gars du Cinoche, moi. T'es en chaussette. Je suis un gars du Cinoche, moi. Laurie, t'as quelque chose? J'allais vraiment dire la même série que Binge là de d'ailleurs j'écorche toujours le nom de l'argent et de sang et d'euros et de exceptionnel et de moula et de platine et Ramzy les champs mais dedans exceptionnel juste je trouve que l'histoire de Vincent Lindon on en a rien à foutre. De Vincent. Ah oui, oui. Tu vois, oui, dans le. Oui, c'est vrai. Dans la vie, elle parle. C'est vrai, c'est vrai. C'est son vrai, parcours c'est d'acteur. Vrai, là. C'est vrai. Moi, à la limite, je fais des avances rapides parce que ça ouais, passe. Ouais, mais c'est couilles. Parce que t'es obligé, je pense, ouais. Pour le spectateur. Donc, très, obligé. Très bien. Très contente que la deuxième partie arrive. Ouais. Je vous ai dit tout à l'heure, je suis partie voir Starmania il y a deux ouais, jours. Ouais, trop bien. J'ai trouvé ça chambé. C'est très complet, je crois, ça. Enfin, genre, c'est dur de trouver des dates. En fait, je crois. Ce qui est fou sur Starmania, c'est quand même ils te sortent un texte qui a été écrit en 70 ou en 80. Ah, c'est, ouais. C'est tellement 70. Actuel. C'est, on dirait que ça a été écrit hier. Ouais, de fou. Ce qui est déprimant d'ailleurs. Ouais, ouais, bien sûr. Vraiment. Rien n'a changé. C'est vrai. Eux, c'est un truc dystopique où vraiment la société la plus horrible du monde fait. Bah, c'est nous là. C'est vrai, ouais. Et je trouve que non, ils ont mis des tartes à voir. Beaucoup de comédies musicales, c'est très très classe et très moderne. Alors que tu t'entends Starmania, tu te dis ça doit être un peu ringos, quoi. Bien sûr. À juste titre, ça a 30 piges. Okay. Johnny Rockford, hein. Ouais, c'est... Johnny tu Rockford. Lis Johnny Rockford, tu dis peut-être que c'est pas. Et au tu final... dis tu dis 30 piges, mais c'est beaucoup plus. Ouais, c'est ça. C'est beaucoup plus. 30 ouais, piges, c'était 90, hein, c'était il y a pas si longtemps. C'est vrai. Même... Oui. Ouais. Fin 90. Ouais. Voilà, et sinon j'ai pas mal zoné sur mon canapé pendant le mois de décembre. J'ai regardé plein de trucs que j'avais jamais vu, du style le talentueux Mr. Ripley. Ah, pas mal. Avec Matt Damon, bien incroyable. Sûr. Remake de Plein oui, Soleil. Exactement. Avec Alain Delon. Très bon film. Et angoissant un peu angoissant. Ouais, film. Angoissant. Mais ouais. Tu vois par exemple si vous avez vu Saltburn. Oui. C'est un peu la même ouais, chose. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Histoire de mec qui fantasme un autre mec. Bien sûr. Voilà. Mais j'ai trouvé le Mr. Ripley infiniment plus intéressant ouais. que le Saltburn. Ouais. Ça, et j'ai regardé que j'avais jamais vu Orgueil et Préjugés. Ah, j'ai jamais vu ça, ouais. Ah ouais, c'est vraiment la comédie romantique, mais j'ai adoré. J'ai pas vu. J'adore. Monsieur Darcy. Ah oui, d'accord. Avec Keira Knightley. Ah, bien sûr. Ouais. Elle en faisait beaucoup, Karen Knightley. Elle en faisait à l'époque. Beaucoup. Elle nous manque un peu. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, Karen Knightley. Dans un comment elle va, Cara? Écoute, je vais l'appeler. C'est con de pas avoir de nouvelles. Mais attends, elle vivait dans le sud de la France, elle. Tu confonds avec Patrick Bosseau, je crois. C'est pas Karen Knightley qui fait point S. La meilleure vanne. Non, elle vivait à côté d'Avignon. D'accord, ok, voilà. Putain, bon, il connaît les stars, hein, ce mec. Hein. Mais non, mais parce que j'ai un indique. Mais les chasseurs d'autographes. Hein. T'as networké un petit peu d'ailleurs à Alpe d'Huez. T'as pu networker un petit peu. Tu rigoles. Chantal Latsou, elle me follow. Non, pas du tout. On peut raconter vite fait Chantal Latsou. Il y a eu un truc très marrant. À l'Alpe d'Huez, on arrive à l'Alpe d'Huez. On met le pied sur le domaine. On sort de la Skoda et on voit Chantal Latsou. Donc, déjà, vraiment. Des enfants, oh, il y a Chantal là-dessous. Et elle fait, Donc on nous présente Baptiste, on était avec Baptiste Le Caplain qui la connaît. Qui connaît tout le monde. Voilà. Et donc il nous la présente et tout. Et elle fait ah c'est vous qui faites les Leroy. Et elle dit oh vous allez gagner, c'est formidable. Donc nous on dit oh putain incroyable. Et génial, tout. Moi j'étais trop content pour le Leroy et en plus ça sent bon, putain trop bien. Elle a vu un extrait de 20 secondes dans elle un a pas vu le film. Elle a pas du tout vu le film. Elle a vu une espèce de montage de plein de trucs et il y avait nous. Et du coup, elle a dit bon, on gagne. Donc voilà. Donc là, à l'heure actuelle, on sait pas si on a un truc ou pas. Mais dans le cœur de Chantal là-dessous, et peut-être c'est mieux. Enfin, moi, ça me fait plaisir. Ouais, ouais. On a gagné mais sur là, un extrait de 20 au secondes. Au moment où ça sera diffusé, on ouais, saura. Ouais, quoi. On verra ou pas. Ou pas. Et ben moi, je vais vous conseiller un film. Non, pas stress. Eh, y a pas de compétition dans l'art. Non, bien sûr. Bien attention. Là, il dit pas de stress. Je chie dans mon bain chaque seconde que Dieu fait. Fallait le voir au festival. Non, le ça, je chiais dessus parce que c'était la première fois qu'on le montrait à des gens. Ouais. Et c'est flippant, tu vois. Et alors, bien sûr. Non, ça s'est bien passé. Par contre, je sais pas si on a gagné un prix, mais par contre, les gens ont rigolé, il y a eu des gens émus. Non, non, là, elle s'est passée divinement bien. Là. Et Chantal là-dessous, elle l'a vu finalement ? Au final, non, elle est partie avant. Toujours pas. Non, non, c'est vraiment un gros échec la rencontre entre nous et Chantal là-dessous. Ça ne va nulle part. Et donc, ouais, le film que moi j'ai vu, alors je sais pas s'il passe encore au ciné, s'appelle Past Lives de Céline Song. C'est vachement bien, c'est encore un film A24 et c'est sur une amitié entre un garçon et une fille coréen, mais tu sais pas, tu sais, ils sont ados donc c'est de l'amour mais pas vraiment, tu sais pas, ils sont un peu perdus. Elle part avec sa famille aux États-Unis, ils continuent de se parler sur Skype et tout, et là ils sont jeunes adultes donc là vraiment tu te dis bon là faut que vous ayez ensemble et tout machin, une espèce d'histoire d'amour pas consommée, et au final il finit par y aller 10 ans après. Il est célibataire, il se dit mais c'est trop con, je passe à côté de ma vie, je l'aime cette meuf, elle hante mes esprits. Sauf que elle s'est mise avec un gars, un américain. Ah. Mais là comme je vous le dis, on dirait une grosse comédie romantique et tout, et pas du tout, c'est extrêmement pudique, c'est vraiment très humain. Et en fait personne n'est cliché quoi, c'est à dire que tout le monde, là je vous le dis, tous les personnages ont conscience de ça. C'est à dire que lui sait que c'est un peu bizarre de revenir autant après, le nouveau mec sait qu'ils ont eu une histoire pas consommée, donc il essaie de se placer vis-à-vis de ça. Elle, elle l'est un peu emmerdée de mais en même temps c'est vrai qu'on a jamais vécu ce truc là, et que mais en même temps j'aime mon mec, et donc tout se passe très bien. Et la première scène, je vous spoil juste la première scène. C'est marrant, c'est un peu le truc d'Éléonore, son cours là, c'est un peu le même thème. Ouais, il y a un peu de ça aussi. C'est la première scène, elle est vraiment formidable. C'est il filme le trio, donc c'est donc pas le trio. Je parle pas d'Arnaud de sa mère et de. Ouais. Non, l'affaire Louis Trio. Ouais. Il te filme donc l'Américain, cette meuf et ce mec de Corée. Et en fait, tu entends des gens que tu recroiseras jamais qui parlent parce qu'ils les voient au restaurant. Et donc, en gros, c'est un couple qui bitch sur les personnages principaux du film. C'est une bonne idée. En disant, putain, mais c'est qui? Mais eux, tu penses qu'ils sont en couple? Putain, je sais pas. Ouais. Mais alors, le mec à côté, donc il parle de l'Américain. Ouais. J'aimerais pas être à sa place parce que putain. Ouais. Et donc, en gros, il te présente un peu via ce mécanisme-là. Et évidemment, après, tu découvres les personnages et tu te rends compte que c'est évidemment beaucoup plus compliqué que ça. Et je trouve que c'est une super idée de première scène et j'ai trouvé ça assez formidable. Donc, ça s'appelle Past Lives. C'est un film coréen ou américain? C'est américain, mais la moitié du film, ça parle en coréen. Okay, parce que du coup, je pense que la réalisatrice s'appelle Céline. Ouais, c'est une coréenne, okay, américaine, ouais. Voilà. Et non, c'est vachement bien. Donc voilà, je sais trop pas bien. Si il est dispo vers chez vous, mais c'est un super film. C'est un peu joli, ça. C'est pas une comédie, mais il y a des petits moments un peu plus légers. C'est aussi un peu tristoun. Et voilà, c'est. Ok, trop cool. C'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Bon, merci, chers amis, d'être venus. Je suis désolé, vous êtes pris de soleil en pleine gueule. Tout va bien. On n'avait jamais vraiment enregistré à cet horaire-là. On tout le saura. Bien. Il y a tout le soleil bien. Dans vos gueules. Donc merci beaucoup. Benjamin, ton spectacle, c'est complet au gymnase, mais il y a des dates qui arrivent lourdes. Exactement. On peut le dire. Toute la France. Venez voir partout en France, s'il et vous plaît. Et effectivement, des nouvelles dates aussi au Trianon début 2025. Exactement, à Paris, début 2025. Voilà, n'hésitez pas à vous prendre vos places parce que j'ai été moi-même surpris que les 3 mois soient remplis assez vite. Ouais. Donc c'est dans longtemps, mais ça peut partir assez vite. Il y a plusieurs dates de régions. Je fais attention maintenant, je ne peux plus me faire engueuler. Parce que avant, je disais province, malheureusement, je me suis fait taper sur les doigts. Région. Il y a plusieurs dates en région. Exactement. Qui sont complètes déjà. Donc voilà, oui. Pour vous dire, n'hésitez pas à prendre vite vos places. Tout à fait. Et puis il y a des films aussi un peu cette année. Tu es dans le film de Mourad Winter. Tout à fait. Voilà, L'amour, c'est surcoté. Exactement. Je ne sais pas quand est-ce qu'il sortira, mais il y a un film de John Wax qui s'appelle En tongs au pied de l'Himalaya aussi. Ah, très oui. Bien. Okay. Et dans Nous les le roi. Et voilà, oui, je ne vais pas tout vous dire. Et oui, John Wax qui avait co-réalisé Tout simplement Noir, ouais, entre autres. Voilà. Et donc voilà. Voilà, trois sorties en 2024. Je l'espère. Trop bien. Laurent, je peux te le dire, c'est bon. Ouais, c'est le seul que je suis sûr. C'est le 10 avril. Laurie, donc ton nouveau spectacle. À bientôt quelque part, que fait. Tu joues encore à la Nouvelle Ève, donc n'hésitez pas à prendre place. C'est les jeudis, vendredis et samedi. Ouais. C'est un super endroit, la Nouvelle Ève. J'ai vu deux spectacles là-bas. C'est vraiment, l'ambiance est trop bien. Tu peux prendre un petit verre. Des mais oui, tables c'est trop bien. Très très beau. Ouais. C'est donc c'est ce qu'on connaît de toi, c'est-à-dire qu'il y a un peu de chansons aussi. Ouais, un petit peu. Voilà, mais c'est on se marre. Et puis tu parles de ta vie après, parce que tu parlais beaucoup du fait d'être jeune maman dans le premier spectacle. Oui, et puis le premier spectacle c'était une fiction, quoi. C'était un personnage que j'endossais, tout ça. Ouais. Et là, pour le coup. C'est plus du stand-up où je vais raconter qui je suis avec de la musique. Trop bien. Voilà trop donc bien. Ça n'hésitez pas. Et puis tu imagines que tu as une tournée aussi prévue après. J'ai une tournée prévue après. J'ai absolument le même programme que Benjamin. Ouais, enfin, passe dans les mêmes salles. Une petite pierre de coups. Parfois, si je vois ces flyers. Ouais, ouais. Si je peux dire un truc, parce qu'on est beaucoup d'artistes à avoir repris le 11 janvier. Ouais. Et il y en a un qui m'a envoyé un texto qui m'a dit bonne reprise, Mallory d'amour. C'est Benjamin. Bah, frère, mais c'est le meilleur. C'est normal. Cœur sur la main. Non, non. C'est ça qui est génial avec ce. Alors que moi, je regardais son affiche, je disais putain, enculé. Complet. J'arrivais même pas à le détester parce qu'il est trop mignon. Ouais. Trop bien. Et puis donc la grosse émission qui revient. Ouais, on l'espère, on l'espère. Allez, on parle d'autre chose. Bon, merci beaucoup, merci. Adrien. Bon, on se retrouve évidemment la semaine prochaine. Non, toujours la bonne auberge. Un dimanche sur deux sur Twitch. Dernière saison de la bonne auberge quand même, faut le dire aux gens. Avec toi, je veux dire. Bah peut-être pas, non. Ah pardon, j'avais mal compris. De ces persos-là, en tout cas. Ah autant pour moi, j'avais pas compris. Ouais, non. Et je me suis fait anti-gang 2, tiens d'ailleurs. J'avais pas vu le 1, je sais pas si c'était très grave. Non, en vrai, tu peux le voir. Et non, effectivement, contre-emploi, je m'y attendais pas et j'ai trouvé ça super. Ah, le méchant. Ouais. Oh, le méchant que c'est, le mec. Non, vachement bien. C'était très cool, quoi. J'ai bien divertissant. Voilà. Anti-gang la relève sur Disney+. Bien sûr, je vous conseille. Je suis Statham, littéralement. Exactement. J'en dis pas plus. Bon, trop bien. Bah, merci beaucoup et puis à très vite. Et pardon, excuse-moi, je te coupe parce que toi, je sais que vous en parlez souvent. Malheureusement, par contre, les gens ont déjà quitté le podcast. Donc là, on peut parler. Ouais. De Vermine, exceptionnel. Ah, merci. Ah oui, c'est vrai qu'il est toujours en salle, c'est vrai que je suis un con. Bien sûr, bien sûr. Un film que j'ai coécrit avec Sébastien Vanitrek. Très, très cool. Vermine, film d'horreur avec des araignées. Et merci parce qu'il marche bien et c'est coolos. Ah oui, et je suis. On quittera pas ce podcast, on l'arrêtera jamais. Je suis juré, non, mais je suis juré de la compétition court-métrage de Gérard May. Là, la semaine où l'épisode va sortir. Donc si vous êtes pas loin de Gérard May, allez voir des. Un petit vin chaud. Allez voir des films de fantastiques là. J'ai pas compris. Ah bah. Bon, merci tout le monde. Merci beaucoup. Salut, ciao. Merci, au revoir. Il s'agissait du Flow de Cast. Pardon.